Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Mananus. Et con entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, Inspecteur Gadget. Allez, viens. 20 secondes. Allez, viens. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Là, c'est carnage. Salut, vous êtes bien sur l'apéro original, session 16, épisode 3. Non, pas encore, j'attends qu'on me serve un peu de vin, parce qu'il ne faut pas se laisser aller non plus. Alors tu veux quoi, tu veux du clos ou du château, Pipo? Alors je ne sais plus lequel on m'a servi, le château Pipo après. C'est le meilleur, de toute façon. Alors il faut dire que c'est un 2006 et qu'il est déjà très très bon. Il est délicieux. Merci Pépé. Après il y a peu de chance qu'il s'améliore. Il va vachement bien avec les pop-corns. Ce soir. Le respect du produit. La merci. Il va bien avec les pop-corns. On a des invités américains autour de la table, excusez-les. Donc après avoir digressé sur le vin, on va peut-être avoir une... Du pop-corn au caramel. Ah, ben bien sûr. Quelques chocobons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du curly. Outre déguster du vin, on dégustera également des bières, dans notre super rubrique. Oui, on a plein de trucs à bouffer. C'est bon. Des sneakers, c'est quand même meilleur. Prends un Mars. C'est quand même meilleur. Non, merci. Tu veux pas du pop-corn? Non. Ensuite, on aura... C'est quoi? C'est quoi qu'on a ensuite? Tu parles de la dégustation, c'est un deux quiz. Ouais, après on a un deux quiz sur le temps. Wow. Ouais, c'est de Monsieur Gandalf. Est-ce que tu peux parler dans ton micro, Gandalf? Tout à l'heure, t'étais en deuxième partie avec les européennes. Hein. Sur l'OTAN. Non, je t'en parle pas. Non, t'étais en deuxième partie. Donc cette fois, t'es en première partie avec le temps. Après, on aura nos petites. L'OTAN. Après les européennes, il fait l'OTAN. Voilà, c'est thématique. Le temps. Non, les temps. Après, on aura des questions cons, peut-être de Randall Flagg. Surtout de Randall Flagg. Et ensuite, on aura un quiz d'Azertov qui s'appelle La télé du samedi soir. Donc, j'espère que ça parlera de la trilogie. Tu verras. On verra. Et on se quittera avec une petite musique si tu l'as téléchargée. Oui. Très bien. Ah bah oui, et c'est du, en plus, c'est du bon rip YouTube. Ah ouais, ça va être beau. Donc on est toujours diffusé peut-être sur Pod Radio, si ça existe encore. Je sais pas. Au pire, on nous retrouvera sur Podcastéo. Alors suite aux annonces qu'ils ont fait pendant Podren, peut-être. C'est donc, devenu payant maintenant. Donc sur les canaux Alpha, Beta, Gamma, Delta, Zoltan. Toujours. Tous. Tous. On a toujours un code promo de 15% chez Beemaker avec le code APRO original, APRORIGINALE. Personne ne réagit. C'est que je me suis pas trompé, même après toutes ces bières. Ouais. Et on va pouvoir se lancer directement dans la dégustation. Et jamais on parle du Tipeee. Non. Putain, j'ai un Tipeee maintenant et personne n'en parle. Bah non. Mais tu t'en parleras. Je pense que tu en parleras toi-même bien mieux que moi. Rassurez-vous, vous ne repartez pas les mains vides. Vous n'en parlez pas. Grâce au Talfo, vous repartez avec du popcorn. Bobby pop. Et donc, tu peux lancer le jingle pour qu'on déguste les bières et du vin. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais... Goûter ! On va goûter ! Pouah ! Allez, folle ! Oh ! Ah, j'ai faim ! Ah, j'ai chaud ! Ah, j'ai froid ! J'ai soif ! Allez, non, vous aussi, les gars ! Tiens ! Ah, directement à moi ? Oui. T'allais dire quoi, David, avant ? Il n'y a pas que des bières, surtout. Oui. Il y a plein de choses. Oui, des bières, du vin, du château Pipo, du rhum... qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a une bouteille de champagne là, non? Non, c'est pas du champagne ici. C'est C'est quoi qu'on a ? Là, qui est là, Gorbal ? Un demi-sec. Ah, c'est du demi-sec ? C'est de la méthode de Gaillacoise. Ah, la méthode Gaillacoise. C'est une sorte de pétillon. C'est ça. C'est du champagne, mais pas champagne. Ouais, faut le faire au micro. Ah ouais. Ah. La sodomie avant et après. Bah, vas-y, commence par présenter le rhum. Ah, c'est moi que j'attaque alors ? Oui. Bah attends, on va chercher le mec du B&B. J'ai, j'entends plus rien, c'est normal ? on va chercher le commercial du B&B. Ouais, c'est ça. Bah, c'est les sorties, oui, alors, pour varier un tout petit peu les plaisirs, ce soir, on va se faire du crack, oui. Exactement, on est parti chercher ça à la chapelle avant qu'ils évacuent. Non, on a un rhum, c'est un rhum du Nicaragua ? Du B&B. Okay. Chute, pas de marque. C'est un rhum importé par Chute, pas de marque. Ouais, ouais. C'est le rhum Malecon. Bon, donc, c'est le 12 ans d'âge. Les spécialistes sauront d'où il vient. Et puis, s'ils ont la réponse en direct, s'ils nous écoutent, eh ben, qu'ils nous l'envoient. Hein, oui, voilà, exactement. Ça nous a été conseillé pour son côté sucré, son côté rondeur, pas piquant. Donc, un petit rhum passe-partout plaisir. Et on l'a eu de Fort Boyard. Parce qu'ils se sont bien plantés dans le calcul. Écoute, ça, pour les détails, moi, je ne sais pas. Même Mathilde a compris que le calcul n'était pas bon. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est un petit rhum Malecon de 12 ans d'âge. Et je vais passer ensuite la main à l'ami Ludo. Il est là. Non, il est là. La main est là. Ludo, il est là. Là. Ah oui, vas-y. Ah, fais-le avec ton truc. Tiens, ça ah, évidemment, fais-le avec ton truc en radio. C'est très bizarre. Je vais utiliser mon sexe pour ouvrir la bouteille. Ah, bel organe. Sexe. Alors, c'est une bouteille d'Asie Diamond. Alors, pour avoir plus d'informations sur cette bière, je pense qu'il suffit d'écouter l'épisode précédent. Oui. Oh, même d'avant. Et celui d'avant. Et celui d'avant. D'encore avant aussi. Ouais. Tous les épisodes en réalité. Depuis le 15.1. Mais ils ont des actions. Bon, c'est une bière que je ne connais absolument pas, que je vais goûter. Il y a un poème dessus et tout. Oui, il y a des poèmes. Ouais, on va pas faire des poèmes. À servir. Pas frais. Des popcorn, hein. J'arrive à trouver aucune information dessus. C'est de la bière. Ouais, enfin voilà, c'est une bière. C'est de la bière. Tu en parlerais peut-être mieux que moi, non ? Non, parce que la Easy Diamond, nous, on la connaît, les gens qui nous écoutent la connaissent aussi. Donc, c'est ce qu'un te parle. Goûte-la, profite-en et reste dans le tempo. Ouais. D'accord, donc, ta gueule, en fait, d'accord. Donc une intervention inutile. C'est ça. Encore une de Tocheux, quoi. Non, surtout une. Je te passe l'ouvre-bouteille. Merci bien. cette fois, on va chez les Ricains avec une Belgian White. Voilà. Chez les Ricains. Oh, tout simplement. Si les Ricains n'étaient pas là. Ah ben, elle est en 95 aussi, comme la Finlande. 95 degrés. Waouh, comme l'alcool. C'est de l'éther. Prends ça à la prune. Si quelqu'un se blesse. Tu le mets dans la voiture, elle avance toute seule. Elle est autonome. La Tesla. Cigarette River, elle n'y a pas droit. La touche mobile, il y a droit. Ce n'est noté nulle part. Ça contient du jutin. Par contre. Donc, du jutin. Tous ceux qui sont allergiques au jutin. Donc, ouais. Des os. Des os, pas des os. C'est même pas vrai, ça existe pas. Donc c'est une Belgian White. Donc être pas du white. Barry. Du Barry. C'est une bière blanche. C'est une bière blanche. Mon ami Pépé, ah, je le voyais là à trépigner. Ça, c'est mon grand elfe. Ah bah écoutez, je vais terminer la session avec une sour, hein, encore une fois. J'ai pris une Appassionada, je crois que quelqu'un en a pris la même, il me semble. C'est toi, Jean-Jean ? Ouais. Ouais. Alors j'ai pris une Appassionada, une Berliner Weiss, au fruit de la passion. Alors c'est la brasserie Edge Brewing, et c'est, ça vient de Barcelone. Ouais, c'est des Espagnols. Une petite bière à 4 degrés, donc j'ai hâte de goûter ça. Barcelone en Italie, donc. Qui n'a pas eu ? Qui n'a pas encore ? Jean-Jean ? Allez, Jean-Jean. T'en trépine d'impatience. D'où vient ce pseudo magnifique ? Faut demander à tous ceux. D'accord. D'où vient ce pseudo magnifique ? Puisque ça vient de lui, en fait. Jean-Jean, je sais pas. C'est venu comme ça, c'était parce que son prénom, je peux le dire. Ouais, oui, hein, oui. C'est Jonathan. Et ah ouais, non, que c'était pas Conatan. Ouais, parce que Concon, mais Concon, ça, ça marche bien aussi. Hein. Non, et c'est plus facile à dire Jean-Jean. Quand t'es au bord de la piste d'un match de roller hockey et que au lieu de dire Jonathan, t'appelles Jean-Jean, tu siffles, ça va plus vite. Voilà, c'est, c'était juste ça. C'est juste un système de raccourci. Alors, on apprend des trucs. J'aime bien me faire siffler. Tu veux du popcorn ? Merci, Infosphère. Donc pour c'était moi, ce sera une Red IPA puisque la, la bière à Passionata, je me la garde pour un peu plus tard. Ah. Donc je disais donc c'était une Liquid Midwest de une Red IPA et qui est validée pour les femmes enceintes, même si la bouteille dit le contraire, qui se note à 5,8 et puis je vais vous ouvrir ça tout de suite. Merci. Tiens, bah David. Ah ouais, génial, j'adore les bières. Alors moi c'est double dose de sucre. Faut entretenir le diabète. Hein. Pourquoi tu rigoles? Il va mixer les deux dans le verre, hein, tu vois. Il y en a une qui a perdu ça. Il y en a une comme on l'a foutu dans la flotte. Il n'y a plus rien d'écrit dessus. Alors c'est soit la framboise, c'est la framboise, c'est la ligne de main de framboise. Tu peux nous lire l'étiquette s'il te plaît. Mais alors elle est vachement bien. Non mais c'est parce qu'il est daltonien du rose. Du coup, il voit à travers. Puis une autre, alors c'est quoi comme marque? Ça c'est pas une banane, ça c'est une... Non. Mango... Mangozo. Mangozo banane. La banane. Ah la banane. Il y a quoi là-dedans? De la banane. Merci. Principalement. 3% c'est de la merde. Et puis sinon, il y a le rhum, quoi. On va faire un petit mélange de tout ça. Ah ouais, donc t'es bien parti, quoi. C'est la dernière, non? Oui. C'est la dernière, hein. Allez, c'est la après celle-là, on arrête. C'est après le Tipeee. C'est voilà. Le succès du Tipeee, on continue ou pas? Next. Bah Valérie. Et on veut t'entendre, Valérie. Oui. Allez. Sinon, t'as la pas dernière, le truc. C'est le coma et clic. Tu vas pas. J'ai pas entendu. C'est un peu c'est un strange goal. J'ai pas encore sous. Hein. Je prends le défi. Tu veux du popcorn, Valérie? Celui-là. Alors, c'est de, une bière artisanale, la 48 de la brasserie de Lozère. Voilà, on va goûter ça et on va faire mousser la Lozère, apparemment. Oui, hier, elle a beaucoup moussé. C'est vrai, oui. D'ailleurs. Oui, c'est la seule bière qui te file de l'aérophagie. C'est celle qui alors, mousse tout le temps. C'est, oui, c'est la bière mousse expansive. Il y en a pour 2 heures. Serre-la parce que ça va pas s'arrêter de mousser, en fait. Ça mousse pas beaucoup. Je suis pas sûr de la stratégie là. Il faut pencher le verre. Bienvenue dans le faux col. T'as déjà vu SOS Fantôme 2 avec le slime qui dépasse. Et enfin, qui n'a pas eu? Mathilde. Mathilde. Merci. Ah ouais. Voilà. Je me permets de tirer le micro un petit peu moins. Oui, tire. Ça te dérange pas. Non, tire avec l'alcool, ça tombe. Alors, moi j'ai choisi, a priori, selon Tocheux, une valeur sûre. Ouais. Une Brewdog Punk IPA que je ne connais pas. Donc. Comme j'ai essayé de faire une thématique Royaume-Uni, alors on a fait voilà, l'Angleterre juste avant, l'Irlande à la première session, donc l'Écosse. L'Écosse. Voilà. Hop. Et il me semble qu'il ne reste qu'Azertov. Il reste Azertov. Oui. Marquis. Donc, quant à moi, c'est une Terco Smoked Humber Ale. Avec l'accent du coin. Oui. 6% de volume et interdit à Singorney ou Weaver. Et c'est toutes les informations qu'on a dessous. C'est une bière de Cadojac qui est faite à quoi, une vingtaine de bornes de là où on se trouve aujourd'hui, donc dans la banlieue bordelaise. Quand on part. Alors Cadojac, c'est quoi? C'est l'ouest? Non, le sud? Oui, c'est quand on part au sud de Bordeaux sur, bah, sur la route de chez vous. De chez vous, qui écoutez ça. Ta ta ta ta. Ouais, droit vers là. Il y a des envies. Et donc pour finir, moi j'ai pris une tôle. Alors je sais pas trop comment ça s'appelle, comment ça se dit, le haut barré en fait. Ça se dit pas. Bah, tôle alors. C'est un haut muet. Ouais. Il est barré. Il est barré. Il est barré, t'as pas le droit de le dire. Ça se dit taux diamètre L. C'est ça. Tophie L. Et elle s'appelle Garden of Eden. C'est une IPA à l'abricot, goyave, papaye, fruit de la passion bon. Et mangue. Ça m'intéresse, ça. À la fin de l'apéro original. On en a rêvé. Ah, si c'est pour ça. J'en peux plus. Il est 1h30 ici, hein, on vous le dit pas. 1h30 du matin, en fait. Tu mens. Mais il est beaucoup plus tard. Ok. On croise pas. Donc. Croise pas les effluves. Ça va être compliqué de pas croiser. C'est parti. Asto, ça c'est le moment pour les auditeurs. Vertov, encore une fois. Ça trinque avec des mélanges de bière, avec... Il vaut mieux passer derrière moi que devant. Avec le rhum. Ça trinque avec tout ici. Qui donc là, ici, ça trinque. Faites de même chez vous, hein. N'hésitez pas, surtout. Même si vous êtes tout seul, hein, dans la glace, ça marche aussi. Même si c'est du coca, bon, bah tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pas fait, mais c'est pas... Ah oui, Jean-Jean. On s'est passé devant. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'on boit, c'est quoi le programme, les petits poulets ? C'est un do-quiz sur le temps par Monsieur Gandalf. Sur le temps, sur l'OTAN ou sur les temps ? Le, plus loin, T-E-M-P-S. Ah, jingle. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. J'adore ce jingle. Parle dans ton micro. Oui, c'est vrai, pardon. Alors, aujourd'hui, on va parler du temps. Alors, le temps qu'on mesure. Donc, oui. En fait, j'étais tombé sur un dossier assez sympa dans Courrier International. Et je voulais vous faire remonter, chercher quelques anecdotes et vous faire réfléchir dessus. Alors, par exemple, le 30 décembre 2011 n'existe pas dans un pays. Finlande. Oui, parce que la Finlande n'existe pas. Le Japon. Non. Le quoi, le 30 ? Alors, le 30 décembre 2011 n'existe pas dans un pays. Lequel ? Israël ? C'est pas la Corée du Nord ? Un pays d'Europe ? Ils sont sur un pseudo bizarre. Un pays du monde ? Tout à fait. Merci pour sa précision. Est-ce qu'on peut en avoir un indice sur le continent ? Océanie. Nouvelle-Zélande. C'est pas les Samoa ou ceux qui ont changé de fuseau horaire ou je sais pas quoi. C'est ça. Du coup, ils ont sauté un jour. Alors, pour tout simplement, c'est pour commercer plus facilement avec l'Australie, son principal partenaire, les îles Samoa, décide en 2011 de passer de UTC -11 à UTC +13. C'est ça, voilà. Avançant ainsi leur pendule de 24 heures, passant du 29 au 31 décembre. Alors, c'était en plus 11 et plus 13, et c'est plus de 24 heures. Ouais, même ils plus. Ont voyagé dans le temps. C'est ça. Un peu retour vers le futur, mais pas pareil. Retour vers le turfu. Voilà. Trop compliqué. Alors, on est au rhum, c'est trop compliqué tes voyages en temps. Cela les décale un peu vers l'est. Décale un peu vers l'est la ligne de changement de date. Parce que la ligne de changement de date, elle est par là, en fait, à peu près, grosso modo. Okay. Ils étaient entre deux, machin. Ouais. Ah, ils étaient juste à la fin, je pense. C'est à la fin. Ils sont passés dans les calculs. Non, non. Faut qu'on parle dans les micros, qui dit. Ça décale d'une heure. J'ai pas entendu. Heure d'été ou heure d'hiver ? J'entends plus rien. J'ai l'impression d'être à la fête foraine, quoi. Non, j'ai l'impression d'être à la poste. Que je vous voulais ? C'est, les créneaux, c'est des, j'ai l'impression d'être aux grosses têtes. Oui, Bénichou. Oui, monsieur Bénichou, que voulez-vous ? Les créneaux horaires se décalent d'une heure par méridien. Oui. Mais à la fin, il y a un décalage entre le premier de 24 heures. Oui, d'accord. Et le dernier. Entre le ils sont passés du. D'accord. Ils ont basculé pour être englobés. Et oui, mais il dit plus 11 à plus 13. Oui, non, de moins 11. Ah, de moins 11 à plus 13. Bah oui, moins 11 à plus 13 en décalage. Je comprends mieux que toi maintenant. J'aurais pas aimé. Essaye le rhum, puis on en discute. Ouais, ça rigole attends, plus. Il m'a décollé mes lentilles et j'ai même pas de lentilles. Ça, celle-là, elle s'encadre. Effectivement. Il m'a décollé les lentilles que j'ai pas. Ça sera peut-être l'audiogramme même. Ça pique. Audiogramme. Ah, il est violent. Depuis qu'on l'a sorti. Parce que avant qu'on l'ouvre, il y avait de la tapisserie sur ton mur. Tu laisses ça ouvert deux heures dans une pièce, c'est bon. Hein. Qui a eu cette idée de con ? Moi, ah, pardon. Je pense que c'est toi qui as eu cette idée de ouais, con. Ouais, carrément. C'est déjà descendu enfin, beaucoup des plus vite. Des idées de con comme ça, moi j'en veux plus souvent. Mais on l'a eu 10 euros moins cher. Donc on a le droit d'avoir. La prune est descendue beaucoup moins vite. Hein. C'est normal, il y avait 10%. C'est ça. Non, il y avait. Oui, mais 10%. Alors. D'accord, 10% de 52 euros, ça fait pas moins 5, ça fait pas 39. Parce qu'à cause du méridien. Oui, ah oui, le méridien. Ils sont passés dans l'autre méridien du prix. Tout à fait. C'est passionnant ta rubrique en tout cas. C'est quoi la suite du programme ? Alors maintenant, les questions des invités. C'était beau. Oh, tu sais. C'est Gandalf. C'est Gandalf. C'est Gandalf. Premier pays à être passé à l'an 2000. Vache. Ah ouais, les premières, le première partie. Bah c'est du côté du déjà Pacifique. Oui, voilà. C'est dans le Pacifique. Si vous arrivez à trouver le pays, du côté de la Nouvelle-Zélande là-bas. Bah, ah, un peu plus loin. À l'est, à l'ouest. Nouvelle-Calédonie. Les Fidji, enfin, je sais pas. Faut trouver un pays. C'est un pays qui est pas connu. Vers la Nouvelle-Zélande. Ça commence avec un K. Madrid. La Caspagne. Le Portugal. Le Uruguay. La Nouvelle-Zélande. Le Crésil. Le Crésil. Le Kérou. Le Kérou. Le Kérou. Le Kérou. Si, c'est à côté du Uruguay. Ouais. Le Kurdistan. Le Kurdistan. Le Boukistan. Le Canada. La Crance. Le Crésil. Non, le Crésil. Donc ça commence par un cas. Crance. Et ça finit par quoi? C'est par qui? Ludo a donné déjà un bon indice. Attends, ça commence par K, mais c'est A ou la lettre K? C'est, ah non, qui, c'est le nom, le son K? Ou ah non, c'est K. Deux fois K. Merci, j'ai réussi. Et c'est même boudin. C'est même boudin. C'est un boudin. Bah, caca boudin. Ah ouf. Prends du rhum. Donc on en est déjà au caca boudin, quoi. Prends du rhum, ça va te calmer. On est à 20 minutes. Oula, c'est que le début. Ah bah on a à peine décapsulé des bouteilles. C'est pas fini. C'est bien, on va pouvoir aller plus loin. Azertov, Asto. Ouais, j'ai mal à la tête. J'ai goûté, il est très bon. Il est très très bon, ce rhum. Il décolle un peu, mais il est bon. Ouais, disons qu'il fait un peu, il pique un peu les yeux quand même. Ouais, il y a un peu. Ah bah c'est de l'éther. Comme disait Ludo, ça sent l'éther. En fait, c'est du formol. Ah, Valérie veut goûter. Alors là, on veut la vie en direct. Sens-le déjà. Ouais. J'ai même passé. Pas non, faut pas. Parce quoi que tu peux tomber dans les pommes. Et donc, c'est quoi ton. La tête de c'est Valérie, quoi ton pays? Ouais, mais faut le goûter. Le premier là. Faut le goûter après parce que. Ouais. Ça commence par un K et ça finit attends, par un I. Il y a Valérie ouais qui fait la dégustation. Oui. On veut la vie. Ah, alors, moi, je veux bien la vie de Valérie. Ah, c'est un pays, si vous arrivez à le trouver, chapeau les gars. Chapeau. Ah, il reste en bouffe, ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Moi, il y a quelques années, je savais même pas que ça existait. Début, alors, Gandalf, respire, tu mets tes écouteurs et t'as pas être malade à un moment donné. Attends, mais... C'est ça. Donc, du coup, Valérie, tu disais, parce que Gandalf, il parlait en même temps que toi. Il est trop bon, il reste bien en bouche, c'est bon, un délice. Hein. C'est quoi déjà? Par contre, c'est mon verre. C'est le Malecon, 12 ans d'âge. Ça plairait aux catholiques. En fait, il est crémeux en bouche, il est. Ah, il est bon. Ouais. C'est un rhum qui vient du Panama. Il va vachement bien avec le popcorn. Qui commence aussi il pousse pas la bouteille, Jonjon, il est parti. Jonjon aussi, tu goûtes? Allez, l'avis de Jonjon dans 2 secondes. 4 secondes. Donc en attendant, il va falloir meubler. Je vous rappelle qu'il faut trouver un pays qui passe le premier à le. K et I. Ouais. Les îles Kiki. Oh non, il y en a 8. 8. Kaikiri? Ah non, non, non. Kontiki? C'est kakakakakakai. Le kakaka, ça me fait un peu. C'est le pays du Kukus. Ah ouais. Qui serait les premiers à passer dans le futur, ça, je crois pas. Le monde est mal fait. Non, je vois pas. Il y a combien de syllabes? On va y arriver. Alors, bonjour, qu'est-ce que t'en penses? 3, 4, pas 4 avant. 4 syllabes? Ouais. 4 syllabes, ça commence par un K. Antoine de Maximi, il y est allé. Ah ouais? Burning Man, ah non. En France, il y a été. C'est un tout, tout en Corée. C'est un désert, quel Harry. Et il y allait récemment, d'ailleurs, je crois. Je m'en rappelle. Enfin, récemment, 2010. Ils font de l'alcool? Du rhum? Bah, c'est du côté du Pacifique, ils doivent faire du rhum. Un verre pour toi, non? La verre garde. Mmh. J'en ai déjà deux. Ah bah, un troisième. T'en veux un troisième? On n'est plus à ça. On a fait des sessions à 3 ou 4 verres par personne. C'est que le début. Après, on va en boîte. On te boit. On est des jeunes. On se fend la gueule. Heureusement qu'il n'y a pas Randall. Il aurait gardé la maison. Ah, j'aurais pas dit on est des jeunes. Oui. Bon, tu la craches, ta Valda. Tu aurais dit on est des jeunes. Parce que là, je pense Randall qu'on trouvera pas. Personne ne trouvera. Kiribati. Oh, ah, ben bah oui, Kiribati. Oui. Alors, je l'avais. On connaît que ça. Un verre ou deux de rhum, je l'avais. Ramazet. Et eux, ils sont Mimimati, mais avec un K au début. Mimimati. Mimimati, oui, c'est ça. C'est la première à passer. Donc, en fait, c'est tout petit. Le pays a été coupé par le. Parle dans ton micro. Comment ça s'appelle le changement de. Le méridien. Mais carrément. C'est vraiment genre. Parle dans le micro. Parle dans ton micro, bordel, la cul de chiotte. Genre à gauche ils étaient un jour et un jour de plus à droite. Regardez à droite, à gauche. Mais c'est ça. Parle dans ton micro. Regarde en face, même si c'est moi qui te parle. Mais. Non, non. Mais c'est pas possible. Le mec, il a un problème psychomoteur quand même. C'est pas possible. Il faut qu'il ait un contact. Eye contact. Ouais, bah, eye contact. Il est grave, ce mec. Et donc, en fait, ils ont décidé de passer le pays sous... Ouais. Bah, c'est ça. Ouais. Ça a duré longtemps. Puis en plus, ils sont tous crépus là-bas, alors ça prend du temps, quoi. Ah, je l'ai pas vu arriver, celle-là, tu je sais pas si je valide. Un peu de rhum, pouf, défrisé, les gars. Allez, vas-y, enchaîne. Vas-y, enchaîne, ouais, c'est compliqué. Hein. Et donc, eux, en fait, ils sont maintenant en UTC plus 13 et plus 14. D'accord, eux aussi sont en plus 13. Ouais. Tout le monde est en plus 13 dans ta rubrique, en fait. Moi, ouais, je sais. On est tous à la même heure. Le pays qui, a le... qui s'étale sur le plus de fuseaux horaires. La France, la France, la France. La France, tout à fait. Quoi ? Ah, ah oui, oui, métropolitaine, oh. Et d'outre-mer. Oui. Et d'outre-mer. Bah, la Guyane. Ah, avec les tom-toms dans la Union. Ta question est mal posée. Le temps béni des colonies. Bah, quoi. La France ne s'étale pas sur si. Plein de fuseaux. Si. Non, elle s'étale non, pas. Parce que les surfaces en contact sont discontinues. Voilà. Pour oui, moi, oui, ça allez, mange. Pas. Oui, bah, l'étalé n'était pas le bon. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. T'es un con. Mais c'était la France de allez, juste. Apprends à faire un dossier, mange. Boum. Oh, vous êtes monsieur. Prends du rhum. À chaque connerie, tu prends un rhum. Putain. Ça va pas faire les 10 minutes qu'ils ont. Ça me rappelle un jeu pendant Pone Nuit. Oui, ça me rappelle aussi. Ah, mais j'ai pas pris la chartreuse, c'est con ça. A priori, c'est l'autre jus de pomme qui a tué tout le monde ce soir. Le petit mélange. Ou Mario Kart à la vodka. Ah, tu gagnes, tu bois, tu perds, tu bois. Quoi qu'il se passe, tu bois. Mario Party. Mario Party. Et il y a un pote qui fait, on va faire 50 tours. Non, pas bonne idée. T'as arrivé à l'arnaque. 3 tours plus tard. Tu tapes le dé, tu bois un coup. La France. Oui, quel beau pays. Son, ouais, son fuseau horaire, normalement, c'est lequel Greenwich, GMT plus 1. Ouais. C'est Madrid. Eh bien, justement, ça serait plus 0. Oui. Parce qu'en fait, mais à partir de l'occupation allemande de 1940, on est passé à l'horaire de la Berlin. La belle époque. Le c'est vrai que merci Zaz. Le méridien de Greenwich passe à Bordeaux, mais on est en plus long. Ouais, c'est ça. Qui pourrait s'appeler le méridien de Bordeaux. Ouais, ouais. De Greenwich-Bordeaux. Ou... Bah non, méridien Bordeaux. Restons simples. Ah, le méridien de Bordeaux. Ouais, Bordeaux, tout, sous, tout simple. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. Witch. Witch. Green, c'est vert, c'est sûr. Green, c'est vert. Et Witch, c'est sorcière. Hein. Non, parce que le quinté dans l'ordre, le 35, le Game Boy. J'ai perdu, il y a un T dans sorcière. Oui, ça veut pas dire 35. Ouais, je suis sûr. Ah non, j'ai t'as dit le. C'est bien, on est parti sur des bonnes bases. Oh, bah, c'est toujours. Ouais. Attends, je vais regarder sur Translate. Attends. Donc, c'est les Allemands qui ont changé le. Oui, il y a. Ils avaient raison. Das Gut. Ah, on met les mains en l'air. Allez, allez, allez. Les mains en l'air. Allez, allez, allez. T'as tous les connards qui sont en train de chanter parce qu'ils ont tous vu la même vidéo. C'est très bien. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo comprennent très bien l'analogie. On met les mains en l'air. Je pense que c'est clair quand même. La gauche, c'est clair, mais. C'est plutôt la main. Oh, il était rigolo, Hitler. C'était juste qu'il n'était pas compris. Bah ouais, il était mal compris, c'est rien. On l'a connu qu'à la mauvaise période. Oui, voilà. Il dessinait très bien. Les... Oui, il peignait très bien. Très non, bon non. Même pas. Quand même pas, faut pas déconner. Il peignait très bien. Ouais. Peignait. Mais crépus. Mais oui, pas les cheveux. Mais crépus aux îles Karabati. Et surtout, il n'avait qu'une couille. Ça, c'est important. Ça, ça en dit long sur sa mentalité. Il a perdu sa couille. Moi, je peux comprendre. Au fond du ravin. J'ai perdu ma couille au fond du ravin. Putain, mais les bras sincères. C'était tranché parce que c'était pendant la Première Guerre mondiale. Plus de burnes. Du coup, ça l'a un peu énervé, moi, je comprends. Mais tant pis. C'est la couille qui roule le long de la jambe, tu sais. Je pense qu'on peut très bien le comprendre. Et peut-être même le pardonner. Il est bon, le ravin. Ah ouais. Putain, ouais, il a l'air bon. Ouais. Alors, je vais proposer une minute de silence. Non, non. C'est bien, parce ça occupe que, le temps. Parce qu'il est mort quand même. Buvons à sa santé. Minute de silence pour Adolphe. Vas-y, enchaîne. Allez, vas-y. Regarde-toi avec ça. Oh, mais c'est pas un problème, tu sais. Enchaîne, Gandalf, vas-y. Mais c'est ce que j'allais dire, attends, mais je laisse rire un peu. Non, non, non, justement, enchaîne, tout de suite. Il est mort avec sa femme en plus, c'est triste. Bah oui. Ils ont jamais eu d'enfant. Oh, c'est dommage. Non, il avait qu'une couille. Oh. Il a eu que des demi. Ça marche très bien avec une seule couille. Une fois sur deux, mais ça marche. Donc, t'as la moitié. Comme il était impuissant aussi. De temps en temps, ça tira. De temps en temps, ça tira blanc, mais ça l'a rajouté à lui. Même d'avoir une couille. Bah, c'est, ouais, ça. Ouais. C'est Mais il l'a gardé quand même. C'est jamais. Bah oui. Qu'est-ce que ça remarche ? Alors en fait, le pays en continu qui a le plus de fuseaux horaires, en effet, c'est la Russie. Donc le pays qui, de l'enclave de Kaliningrad à l'ouest, au district de Tchoukotka à l'est, et ça, on est passé de UTC plus 2 à UTC plus 12. Donc en fait, c'est 11 fuseaux horaires. Oui, pour la Russie. Pourtant, en 2010, le pays avait décidé de supprimer deux fuseaux pour rapprocher de Moscou ses citoyens les plus éloignés, mais l'échec de ces mesures a poussé la Russie à revenir globalement à la situation antérieure. Par ailleurs, en 2014, le pays a définitivement abandonné le changement d'heure saisonnier pour conserver l'heure d'hiver. Bon, ça, je l'aurais pas dit. On n'est pas censé le faire, ça, d'ailleurs, en France. Oui, voilà, c'était pour lancer le débat, en fait. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'heure d'hiver ? Plus l'heure d'hiver ou plus l'heure d'été ? Moi, je serais plus l'heure d'été. Qui pour les nounours slip ? Moi, globalement, j'en ai rien à foutre du moment qu'on en met qu'un. Oui, ça. Ouais, mais en fait, c'est bien d'avoir... Non, mais en fait, je suis d'accord avec Ludo, quoi. Avant ou après, ça sera qu'une fois. À main donnée. Bah, le truc, c'est que c'est pas mal d'avoir l'heure d'été en été et l'heure d'hiver en hiver. Ça permet d'avoir un lever, un coucher de soleil. Alors que l'heure d'été en hiver à des heures correctes, quoi. Parce que s'il n'y en a qu'une seule heure, ça veut dire qu'il va y avoir un décalage monumental entre. Ouais. Mais c'est pas bien grave. En réalité, c'est le vrai rythme, ça. Du oui, travail, de toute façon. C'est le rythme de la nature. C'est le bah, en fait, pour être le mieux calé en fait, avec la vraie heure, il faudrait plutôt l'heure d'hiver. Puisque avec l'heure d'hiver, on a une heure de décalage avec la vraie heure. Avec l'heure d'été, on a deux heures de décalage. On fait comme la Corée du Nord, on décale que d'une demi-heure pour faire chier les gens. Faire chier les Anglais, surtout. Mais c'est qui m'a bouffé la question suivante, le con. C'est pour gagner du temps, parce que ça commence à être long, ta connerie. Alors, la Corée du Nord. Et c'était quand, par contre ? C'est l'année dernière. C'est ça, le 5 mai 2018. La Corée du Nord a décidé de quitter son fuseau horaire, dont c'était... plus 8h30 pour rejoindre copain avec la Corée du Sud. Ah, mais on peut faire ça en fait ? Oui. Je veux dire, s'il suffit que le pays soit d'accord pour le faire, on peut dire par exemple qu'on avance de 6h ici. Oui, ils avaient calé d'une demi-heure pour ah, mais je veux dire, ça, être ça, vraiment ça, autonome. Et ça décale. Ça, ça oblige pas les autres à faire la même chose. Non, vous allez voir, il y a des. On pourrait faire chez toute l'Afrique, nous. C'est ça qui est génial. On aurait pu emmerder toute l'Afrique si on avait voulu. Moi j'aime bien le concept. On n'avait pas la colonisation pour ça ? C'est vrai, mais depuis qu'on l'a plus, maintenant qu'on l'a plus, on a tout perdu. T'entends la nostalgie là quand même. Une adepte de Tintin au Congo, c'est bon, on l'a retrouvé. Le temps béni des colonies. Hein. Michel, si tu nous regardes. Il y a bon. Banania. Ah ben, c'est bon, c'est le meilleur c'est des chocolats. Le chocolat de David. Ouais. Ah, attends, on est nostalgique. Ça très peu. Ouais. Et bien d'ailleurs, en parlant de pays qui ont des demi bonne et des quarts, colonisation, il y a que ça de vrai. Il y a que ça de vrai. Et votez une bonne guerre. Marine en 2022. Oh mon dieu, non, t'as pas le droit de dire ça. Bon, ah, il n'a pas dit quelle marine. Attention. Ah si, si, Le Pen. Hein. Ah, moi j'aurais dit voter Marion, mais bon. Après. Ou Henri de Lesquen. Si ah oui, bon, si on veut aller plus loin, il y a le game, au bien évidemment. Une bonne guerre en fait. T'étais pas devant le micro, mais le micro, c'est grave. C'est peut-être mieux. Une bonne guerre, c'est bien. Le tout, c'est de la gagner. Comme ça, tu réécris l'histoire à ton avantage, ça passe. C'est ça. C'est que ça même quand on la perd, on peut réécrire l'histoire. Hein. Ça fait tout ça, à partir du moment où c'est toi qui gagnes, c'est les autres qui étaient les méchants. Hein. Oui. Putain, c'est ça. Même si tu perds. Même si c'est tu perds, qui t'es fait quand même gentil. C'est le popcorn. Quand t'habites dans le pays qui a perdu. Tu tabasses le popcorn. Putain. Le caramel, il défonce. Là, je suis... Je suis limite. Ah, c'est pas le rhum, c'est le popcorn. Ah, t'as aussi le rhum, mais. Parce que mais c'est au B&B aussi. Quand tu manges un peu de popcorn et que tu nous as vendu le popcorn. Après, moi j'aime bien, ça occupe le tank. Il fait fondre le caramel. En fait, tu digères, t'as même pas avalé encore. C'est sale ce que tu dis. Tiens, en parlant de popcorn, David. Oui. Attends. Fais du bruit. Vas-y. Tire-nous donc. Ceci était un vol de paquets de popcorn. Ouais. Capté en direct par toutes nos caméras HD. Tu filmes d'ailleurs tu filmes. Non, mais en fait, ça tient pas sur. Il n'y a pas le bon angle et tout. J'adore. J'ai essayé de mettre un truc avant tous pour tenir un portable sur un mur en plâtre. Ça tient pas. Non, pas en plâtre. Non, sur il a essayé sur les vitres derrière. Connard. C'est le fort de mur en plâtre. Je comprends pas. Ça doit tenir, c'est une vitre. Oui, mais c'est l'angle. Mais l'angle n'était pas bon. Bah, ça se tourne à 180 degrés. Tu sais qu'il y a des charnières sur une porte. Oui, tu peux tourner la porte. Oui, mais ça ne tenait pas non plus. Il y avait des angles. Enfin, bref, je vous montrerai plus tard. Oh, vous faites chier. Pourquoi tu ne l'as pas mis sur la vitre de ton portable directement, ton PC ? T'es un gros connard. T'es en train de lui péter son couille. Oh non, mais je suis pas mécontent. Hein. Non, mais l'occupe d'être sur la porte, ça veut dire. Il faut pouvoir le tenter quand même d'accrocher le portable à la vitre avec une ventouse. Parce que si ça à la vitre. Il faut mettre un câble autour. Ok. Parce qu'on en a eu un qui est tombé l'année dernière à Podrenne, on s'en souvient. Il est mort, le portable. Il n'est pas mort, mais il a douillé. C'est sûr qu'il a douillé. Alors, la Corée. Donc, la Corée, la Corée, la Corée, on en a parlé. Mais par contre, on a appris qu'il y avait des pays qui étaient à un demi ou en quart. Pas de, en demi pas... Oui, ah, bah oui. En ou... demi-finale. En demi-finale, en demi-finale. Le Brésil était en demi-finale. Bah oui, oui, contre ils l'Allemagne. Ont perdu, ils ont perdu. Ouais. Ah, c'était un vrai malheur. Ça, ah, allez bien, ta rubrique, donc, putain. Ouais, bah, c'est la nation du football. Je crois que c'est la meilleure rubrique. Valérie, qu'est-ce que tu as à dire sur sa rubrique? Passionnante. J'aime bien quand c'est un peu... Ça, c'était la vie d'une facho. Bravo. Maintenant, il n'y a même plus de ficelle. Derrière, on y va. T'as oublié le TAL avant. Mais c'est pas grave. Je l'ai dit, mais vite. Ça, c'est pas entendu. Donc, le décalage choisi par les pays par rapport au fuseau horaire UTC est en principe un nombre entier. Mais certains pays emploient un décalage à la demi-heure ou au quart d'heure. Parce voilà. Que bon, bref. Et d'après... UTC. Allez, citez-moi quelques pays qui pourraient faire partie de ce... La France. Le Groenland. La Suisse. Alors, quoi, il peut finir tes phrases, s'il te plaît. De ce gang. De ce gang. Oui. Le gang bang. Des quarts d'heure. Ah, le gang de ceux qui décalent d'une demi-heure ou d'un quart d'heure. L'Islande. Bah, la Corée. D'Afrique, peut-être, déjà. Non, en fait, majoritairement, ils sont en Asie. La Corée. La Malaisie. Bon, la Corée du Nord, donc non, plus maintenant. Non, parce qu'ils ont décalé de ce qu'ils voulaient. Nouvelle-Zélande. Le Vietnam. Le Kazakhstan. Non. Le Japon. Les petits pays de l'Asie du Sud-Est. Il y a un pays très cool. Le Népal, oui. Ah, bravo. Parce que... Fort. Parce que... Pour faire chier la Chine. Bonne réponse. Bravo, bonne réponse. Il y a un pays qui est quand même assez... La Chine. Il y a du monde quand même. La Mongolie. L'Inde. C'est UTC 5h30. Tut. 5h30. Et le Pakistan. Pas qui se détend. Non. Pas du tout. Mais il y en a un instant quand même. Kazakhstan. Tebboukistan, oui. Il y en a combien? Alors, on en a 1, 2, 3, 4, 5. On en a trouvé 2. Oh, on a déjà bu 2 fois. Ouais. L'Himalaya. Alors déjà, il y a 2 pays. Les ricains sont pas fans, tu vois. Cuba. Mais c'est le reste du monde. L'Afghanistan. L'Afghanistan, oui, c'est UTC 4h30. Le Pakistan. Et après, il y a un autre pays où c'est Donald. Et le Pakistan, pas. Où Donald, il aime pas trop. L'Iran. L'Iran, c'est 3h30 pour l'Iran. Oh la vache, troisième. Quatrième. Et il reste un pays aussi où du jour au lendemain, de conduite à droite, ils sont passés de conduite à gauche. Vache. Ça n'a aucun rapport avec. Avec l'heure, mais je non, mais c'est pour t'aiguiller en fait, mais. Je t'en fous. C'était un régime. C'est aucun rapport, donc. Si tu sais qu'il y a. Globalement, on s'en fout. Hein. Dubaï. Taïwan. Les Émirats Arabes Unis. C'était une dictature militaire. Cuba. Non. Bah, Cuba. Oui. Il a deux noms. Ouais. À l'international. Ah ouais. Laos. C'est lent. Non. Non, c'est rapide. Il est pas. Il est pas rond. Il est... Ils ont chaud, là, les. C'était une dictature. En du rhum, tu vas voir. Bon. Ah, bah, je sais, oui. Dictature bon. Militaire, c'est ça? L'Indonésie. La France. Oui. La France. Tout à fait. L'Indonésie. B. B. Hein? Taïwan. B. Les Philippines. Alors, il y a un nom qui commence par B et l'autre nom commence par un M. La Malaisie. M. Le Bhoutan. Le Myanmar. La Malaisie. Myanmar, c'est ça. La Birmanie. J'ai plus le nom. Ah, Birmanie. La Birmanie. Oui. Ouais. Ah, c'est 6h30. Ça commence pas par un M, Birmanie. Le Myanmar. Et maintenant, les pays du monde par Yako. Quand je passe d'un pays à l'autre, il faut passer la douane, la frontière. Voilà, tout à fait. Mais en même temps, je peux me prendre un saut d'horaire. Oui. Oula. Un saut d'horaire. Un chat vient de faire une apparition. C'est comme un sodomie, mais d'horaire. Un beau chat. Donc, quel est le plus gros saut d'horaire que je peux subir? Ah oui, genre. Bah, franchement, quand tu rentres dans la conversation et que tu entends saut d'horaire, ça fait peur. En traversant juste une frontière? Oui, traversant juste une frontière. Ah, ben bah, c'est quand tu passes d'Alaska en Russie? Non, c'est une frontière physique. Alors, hein, terrestre. Ah, ouais, une frontière physique? On devrait être à 4h. Un petit peu moins. Parce que déjà, t'as dit que... Pas dans ton micro. Un petit peu moins. Quand tu arrives dans les pics, lui. Donc, un peu moins de 4h? Plus tout à fait. Plus près. Parce que tout à l'heure, on a déjà vu qu'il y avait un pays qui avait décalé de Toujours dans ton micro. Oui. 3h30. Oui, bravo. Ouais. Ah, c'est la durée qu'il fallait trouver. C'est la durée qu'il fallait trouver. D'après vous, c'est entre quel pays et quel pays? Oh. On n'écoutait pas. Merci. Il y avait un chat, c'est quoi la question? En fait, alors j'ai demandé le saut d'horaire entre deux pays, mais physiquement, oui, où tu subis le plus de décalage. Ah oui, la France. Les États-Unis et la Russie. Il n'y a pas une histoire de frontière avec l'Union européenne. Non. C'est un pays en Asie. À noter que Jean-Jean a trouvé la bonne réponse. Donc c'est 3h30. L'Inde. C'est un truc avec la Birmanie. Il n'y a pas la Malaisie dans le tas. C'est l'Inde. Parce que c'est vachement étalé. Je rappelle, on a Iran, Afghanistan, Inde, Népal, Birmanie. Inde, Népal. Ou Inde, Birmanie, ça se touche? Ah. Birmanie, ça se touche. Inde, Pakistan, non. Gandalf, ça se touche pas. Gandalf. On a du mal à le croire, mais ça se touche pas. Inde, Pakistan. C'est pas l'Inde du tout. Il y avait des Mujahideens là-bas. L'Afghanistan. Oui. Et quel pays? Népal. Non, il n'y a pas de frontière. La Russie. Moi, j'ai rien compris. Mais non, la Chine. La Chine? Oui. Quoi donc, la Chine, quoi? C'est quoi? Entre les deux pays, quand tu passes d'Afghanistan en Chine, tu perds 3h30. Tu gagnes. Ça dépend, c'est réversible. Et vice versa. Ça dépend dans quel sens tu traverses la frontière. Et redemi-heure derrière. Et aussi. Plusieurs fois, mais sans repasser par la frontière. Mais après, ça dépend du sens de rotation de la vache. Heures à chaque fois. En fait. Ouais, ça dépend du complot. Tu passes pas par la case de départ, donc t'as au pas 2000. Fois, t'as gagné 30 heures. Ouais. Et tu semaine. Remontes dans le temps, en fait. T'es payé une semaine à rien foutre. À tourner. Si tu fais faire le voyage à une petite horloge de voyage, tu finis par se décaler complètement avec. Ouais, si tu fais ça avec ton téléphone, je pense que ça va pouvoir se faire, surtout si les piles sont pas nettes. Je changerai pas d'heure. Au moins, il me le dit tout le temps, mais parce que je suis Ganaf 81. Par contre, tu feras gaffe, t'as un morceau de popcorn dans la barbe. Non, ce sont les réserves pour la nuit. Non, mais c'est pour les auditeurs, pour le retour. C'est le garde-manger. Oui. Vous verrez. On enregistre ça avant Podren, hein, physiquement. Oui. Vous verrez à Podren. J'aurai un bout de popcorn. Comme ça qu'on le reconnaît. D'ailleurs, on va tous le signer pour vérifier l'authenticité. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, la Chine, quelle est la particularité? C'est des voleurs. Les gens sont bridés. Globalement, il y a des reflets jaunes dans la rue. Alors, est-ce que tu peux préciser la question? Parce qu'en Chine, il y a plein de particularités. Ils aiment bien copier des trucs. Ah, les fesses de couette aussi, hein, c'est ça. Non, mais précise ta question. Non, c'est du chat. Non, quelle est la particularité de la Chine, du coup, par rapport au temps? On peut arriver à pied. on peut y aller 1000 fois avec une personne, ouais, mais on peut pas y aller une fois. Tu avec vas une fois avec une personne et elle est dupliquée après. Ils la copient systématiquement. La un peu comme, c'est comme ça qu'ils ont construit la muraille de Chine. Ouais. Nous, un jour, on a donné une agrafeuse à un Chinois dans un salon. On s'est dit, maintenant, ils en vendent. Non, tout simplement. La Vendée. Alors, c'est moins bonne qualité, évidemment, mais ça se vendait quand même. Non, la Chine est un grand pays. Il est sur 5 fuseaux horaires, mais malgré tout, il n'a qu'un seul, il est que sur un seul fuseau horaire. L'horaire de Pékin, c'est UTC plus 8. Et l'horaire officiel. C'est ce qu'on appelle le Pékin moyen. Le Pékin moyen. Déjà, eux, ils ont leur propre calendrier déjà à la base. Ouais. Ils se foutent complètement de créneaux. Hein. Ouais, ils se mettent à part. C'est pas qu'on est raciste, hein, mais ils sont à part. Ils sont pas alors, comme nous, ces gens-là. Moi, ils sont pas comme nous. Avant de passer au truc un peu plus trivial, dire un petit truc. Hein. C'est trivial, mais bon, faut quand même réfléchir. Combien ça coûte une minute de retard pour un train japonais? Trop cher. T'as pas le générique de combien ça coûte là? Ouais, mais une minute de retard pour c'est impensable. Je crois que sur une année, ils ont même pas 30 secondes. 2 ou 3 secondes de retard cumulé. Ah, ils s'excusaient parce qu'ils étaient arrivés en avance aussi. Ben, malgré je lis l'article là, malgré l'importance de la ponctualité au Japon, ouais, les horaires de train à Tokyo sont souvent perturbés dans la matinée car les voyageurs se ruent dans les wagons au dernier moment. Simple, et c'est vrai d'ailleurs. Cela provoque des retards et des accidents graves. Bah, accident grave passager, celui-là vous le connaissez, je pense. C'est celui les Parisiens surtout. Le fameux incident voyageur. C'est celui qui est passé sous les voies. Ah oui, Paris, si tu nous écoutes, on t'aime. C'est rarement un accident. Et voilà. Ouais. Et il y a même une campagne de sensibilisation pour vous. Et donc ça coûte combien d'après vous? Une minute de retard. Oui, est-ce qu'on parle pour en le yen, dire en euros ou en yen, Japon, hein, toujours, je ne serais pas sectaire. Ouais. 3000 euros. Plus. On parle de la seconde beaucoup, de retard, hein, c'est ça? Attends, minute. La minute de retard au Japon? Ouais. Combien ça coûte? Ouais, pour une plus de 3000 euros en tout cas. Et en plus, il faut Pour une minute de retard, il faut 30 minutes pour le rattraper. 5 millions de yens. Beaucoup moins quand même. Pour moins que 5 minutes pour le rattraper, pourquoi ? 100 000 euros. 50 000. Parce qu'ils peuvent pas rouler à balle, je pense. Au bout d'un moment, il y a toujours des arrêts. Parce que l'accélération est linéaire, mais il faut que tu atteignes une vitesse de croisière pour justement après. Attends, t'as une minute de retard, il te faut 30 minutes pour la rattraper. Ouais. Au bout de 30 minutes, t'arrives à rattraper ta minute de retard. Comment ça se fait que t'en as perdu une minute? Oui. Parce que t'avais le potentiel pour en gagner à chaque fois. Voilà, c'est ça, je comprends pas. 30 minutes. Oui, parce que tu fais tes arrêts. Mais non, parce que tes arrêts, justement, les autres deviennent en retard, du coup, tu rattrapes un peu. T'as un effet domino. En cascade. T'as l'effet domino day, tu vois. Domino day. Avec ou sans Dave? Avec Dave, bah toujours. C'est vraiment pas clair tes rubriques à chaque fois. C'est à nous de faire les questions, donc à un moment donné, il faut te poser les questions, justement. Les bonnes questions. Mais c'est pour ça que 500 000 yens. C'est des deux quiz, donc on navigue entre les deux, c'est pour ça que c'est le bordel. Ouais, trouve pas une excuse à sa médiocrité. Non, non, mais je dis, c'est pour ça que c'est le bordel. Moi, tu vois, je fais que des quiz, ça marche bien. Il est mauvais, faut le virer. Lui, il fait des quiz de Spirou Magazine et, ouais. Et moi je fais du do quiz tout simplement. 500 000 yens. Tu veux dire que en fait s'il y a 30 c'est moins, c'est qu'ils prennent tous une minute de retard, le dernier a forcément 30 minutes de retard. On est d'accord, c'est ça le truc. Je pense que c'est ça que ça veut dire. La simplification. Ouais. 750 000 yens. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Oui, de toute façon, c'est tout bout à bout à chaque fois. Oui, d'accord. Oui, non, mais laisse, c'est bon, nous, on comprend. On comprend. On se reformule tes trucs. Nous, on est parti au Panama là, donc c'est bon. Et donc, combien ça coûte? Mais on s'en fout en fait. Ah non, moi je serais curieux de savoir. Ah ouais, vraiment, ça va. Bah ouais, parce que je prends la différence sur mon Tipeee. D'accord, ok. 10 000. Ah, 10 000, tu te rapproches. Ah, bah, c'est ça. Ah bon ? Je te le dis, tu le sais pas. Moi je te le dis, c'est 10 000. 10 000 euros ou 10 000 yens ? Euros. Hein. Il est pas foutu de savoir. 11 000. 10 000 yens, ça fait rien du tout. 1 000 euros. Je connais pas le prix. Moi, il fait divisé par 100. Moi, je parle qu'en dollars. On parle en euros là. 10 000 en yens, ça doit faire 1000. En CFA, hein ? 10 000 yens, ça fait 100 euros. 10 000 yens. Ça doit faire 1 300 000. Si, au Tchad, il parle encore en français. Ouais, tu divises par 100 les yens pour avoir l'euro. Oui, on s'en fout. On parle en euros. Oui. On va simplifier. 15 000. Tu te rapproches, mais c'est moins. 1 550. On se fait comme au juste prix. Oui. Plus, c'est moins. Ah, 13 000, on se rapproche. Ah, ouais, non, mais on se rapproche. Allez, un peu moins. 13 000. Non, fais moins. Par rapport à 13 000 tout à l'heure. 900. 12 390 euros, ça fait 1 600 000 yens. C'est ce que ça coûte une demi-heure de retard. J'avoue. Une minute. Bah non, 30 minutes, il dit tout à l'heure. Non, pour rattraper. Il te faut pour la rattraper. Et il faut 30 minutes pour rattraper la minute. Ils sont cons, ces Japonais. Ils sont efficaces, mais ils sont pas comme nous. C'est vrai, Nyakoui. Déjà, ils ont la tête à l'envers. Comment ils font pour tenir? Ah bah, ils tiennent. Ouais. Débridé. Ouais. Il voit un 16/9. Il voit la vie un 16/9, putain. Voilà. Bambi Light, les gars, tout le il temps. Il voit la 3D sans lunettes. Oui. C'est des petites lunettes, ça coûte moins cher. Ils ont des lunettes de 10 mm de hauteur. Allez, vas-y, on s'en. Moi, ça me fait rire, ça me fait plaisir. Dans sa vie, on passe combien de temps à manger? Trop. Pas assez. En année, du coup. Un tiers. Donc, non, un tiers, ça fait beaucoup. Un tiers, alors, tu dors pas 8, tu manges pas 8 heures par jour. La durée de travail effectif dans une vie. Vous allez voir que déjà, c'est pas aussi énorme que ce qu'on croit. Et oui, je pense que tu veux peut-être poser une question. Une heure par jour pour une personne qui a 80 ans. Déjà, c'est une moyenne mondiale. Voilà. Le temps où on dort, donc ça prend aussi en compte les gens qui mangent pas. Quoi. Donc c'est pas le temps. Hein. Ah, ça, je sais pas. Non, mais il marque un point là. Il marque un point. Grande question. Je sais pas. Par rapport à l'étude, je sais alors, pas. Déjà, tu vas faire une étude et après, tu reviens et tu reposes ta question. Et déjà, tu as complot parce que tu veux que je fasse une étude. Et que tu remets tu en cause une étude. Tu te démerdes, sinon on donne naissance à une théorie du complot où tu alimentes le processus. Moi, je suis d'accord avec et pourquoi c'est pas un complot de dire que c'est un complot? Juste parce complot. Que ça te fait chier, je suis d'accord avec les deux. Et moi, je suis d'accord avec moi aussi. Je crois que le rhum, il va pas faire long feu. Il est bon. Un peu trop, mais il est bon. Oh la vache. 5 ans. Un peu moins. 5%. À peine, mais à peine moins. 5 ans, quoi? C'est l'âge légal? Parlez en pourcentage. C'est l'âge légal, chier parce que c'est un pourcentage. On fait moins de 5 ans de temps à manger. Ah bah, après, ça, c'est en moyenne. Hein. Alors qu'en moyenne, on passe 3 ans au chien. Attends. Ah non, plus que ça. On passe plus de temps au chien qu'à manger? Non, quand même pas, non, je rigole. On passe plus de temps au chien qu'à manger. Non, il y a un truc qui est pas logique. Il y en a, ils mangent au chien. On compte pas la préparation. Des chiottes. Faut refaire la tapisserie et tout. Non, c'est un bordel monstre. Une belle merde. On parle de quoi? Combien on parle de temps ou de proportion? En temps ou en pourcentage? Donc c'est moins de 5 ans. De temps à manger, moi je dirais 3 ans et demi. Un an et demi, 2 ans. Non, 4,5. 4,8. 2,3. Oui, mais ils n'ont pas pris Caradoc là dans les stats. Non. C'est pas possible. Non, moi j'en connais un, il passe plus de temps. Après, on compte des jours comme aujourd'hui. Ouais, c'est celui qui a ça, je sais pas. C'est vrai que nous, on fait péter la moyenne. 5 millions de bactéries au centimètre carré, c'est ça? Nous, on fait péter la moyenne. Moi, je me rappelle de repas quand j'étais petit avec mes parents. Oui. C'était pendant toute la journée. Ouais, ça doit dépendre des régions. Ouais. Mm-hmm. Les mariages, par exemple. Interminables, les trucs. Ah, il y a des pays, ils mangent pas ou plus. Enfin, tu rigoles, mais fait image. Oui, bah, ils peuvent pas en même temps. Voilà, ils peuvent pas. Une granerie, c'est bon. Bah, du polystyrène. Ça, c'était la colonisation. Il y a des pays du tiers-monde, ils veulent pas manger, putain. C'est pas bon. Alors qu'il suffirait de sauter un repas. Alors pour qu'ils bien sont maigres comme tout, ils mangent pas, les gars, je comprends pas. Faut se forcer. Ils aiment pas les brocolis. Ils aiment pas les légumes verts. Donc, on a fait le racisme. On est particulièrement indigne dans celle-là. Ouais, non, c'est la dernière, c'est toujours comme c'est ça. La dernière, ouais. Bah pour les auditeurs aussi. Si non, tu veux, attends, le pire, c'est qu'on n'est pas au max, quoi. C'est ça le problème. Ouais. C'est bien. Non, mais vas-y. Il faut savoir. Alors, c'est un arabe, un juif et. Non. Un belge. Et un japonais. Japonais. Il revient. Bridé et crépu. Bon, vas-y. Des Samoa. Un japonais gros des Samoa. Je serais curieux de voir ce que ça donne, ça. Ça devrait faire un beau Yokozuna, à mon avis. Oh putain, oui. T'as vu ça? Bon, tu vas la chier, ta rubrique? Bah, j'attendais que vous digressiez. Non, vas-y, on a fini. Graisser. Nous, on meuble. On meuble, oui, pour que tu puisses faire ta main. Oui, c'est bien, ça me plaît. On te laisse prendre tes repères entre deux questions. Toutes les bêtises, là, c'est de ta faute? Oui, tout à fait. Intégralement. Dans la vie, on passe 30 ans. Dans la vie, il faut pas s'en faire. On passe 30 ans. À dormir. À dormir. À 30 ans. À dormir. Ouais. À se masturber. À dormir. Oui aussi. C'est une position. Pas forcément soi. Allongé. Allongé. Assis. La levrette. Non. Debout. Oui. Oh, 30 ans de levrette, t'imagines? Oh le pied. Ça va être terrible. Béa, on commence aujourd'hui. Frums. Et à la fin, on s'applaudit, bien sûr. oui, bien sûr. Toujours. Alors, 30 ans dans une position assis sur les chiottes. Bah non, non, debout, on a debout, dit. Debout, on a dit debout. Ah non, debout. Tour de 1, 30 ans debout. Ouais, 19 ans. Assis. Assis. Assis. Sauf certains. Et 30 ans allongé. Ouais, 16 ans. Philippe, il est allongé. Pas. Non, plus, non. Il y a mouvement. Un marché. Un marché. Philippe Croison, il passera jamais 30 ans debout. Non, lui, il passe 65 ans sur le dos. Donc, on a 30 ans debout. Et 19 ans assis et 16 ans à marcher. À imiter la tortue. Une vie pas hyper longue, ça va. Ouais, je sais, ouais, mais c'est bizarre aussi. Mais... Bah, après, selon les études, c'était pas toujours le même échantillon que j'ai pris un peu globalement. Ça fait 20, 30, non, oui, 20, 30 c'est et 15, 30, à peu près. 19, alors, il y a une catégorie un peu extraordinaire, si on passe 3 ans, dans quoi? Les chiottes. Là, c'est toujours un mouvement. En... Les ascenseurs. Les transports en commun. Une. Dans une voiture. Ouais. Dans la Tocho Mobile. C'est ça. Oui, ouais. Et dans 6 ans de. De vomi. De vidange. De dans 6 ans, ouais, au feu rouge. Attends, non, vas-y, tu reprends. Attends, non, pardon, on passe c'est moi qui ai mal fait. Hop, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. 6 ans dans les bouchons. Ouais. Oui, non, mais. C'est n'importe quoi. 3 ans dans une voiture, 6 mois dans les bouchons. Ah oui. Ah ouais. Oui, parce que 6 ans dans les bouchons, du coup, il y a un. Ouais. Sauf si t'es pas dans une voiture dans le bouchon. On sort, ah bah, on des bouchons. On sort, on se met à l'extérieur. Sauf si tu es Blablacar. Si tu habites sur la rocade de Bordeaux, peut-être. Ah oui, ça vaut pas la rocade toulousaine. A priori, c'est bien. Ah oui. Après, faudra demander à Phil Good, mais a priori, la rocade toulousaine est quand même nettement plus élevée que la rocade bordelaise. On a un aperçu hier. J'imagine que le périph parisien doit pas être terrible non plus. Non, mais Paris. Paris sont habitués en fait, ça doit quand même un peu circuler. Bordeaux hier c'était bloqué de chez bloqué. On était quoi avant? Bordeaux c'est particulièrement réputé. Hein. Ouais. Dans Bordeaux est particulièrement réputé pour avoir une rocade toujours bouchée. Moi je la prends de moins en moins donc je saurais pas vous dire. Ah, si, elle est tout le temps bouchée. Ouais, mais je m'en branle. J'apprends tous les matins, moi elle est bouchée. Du coup, t'as des journées assez. Mais toi t'habites à la campagne. T'as des journées assez courtes finalement. Moi j'en prends tous les matins depuis Auchanlac. Donc c'est tous les matins je prends la rocade, tous les matins elle est bouchée, c'est de la merde. Combien d'heures tu restes là-dedans? C'est de la merde. 6 mois. Mais tu passes pour la Aquitaine en plus? Bah en fait, du moment où je prends la rocade au moment où je vais en sortir, j'y reste une heure tous les matins. Ah ouais. C'est pas mal. Et tu prends le pont d'Aquitaine? Non, justement. Ah oui, ah, non, ah tu fais le grand tour, hein. Ah oui. Ah oui, ça en plus, t'es sado, quoi. On a toujours le choix dans la date. Enchaîne, Gandalf. La suite. 120 jours à faire. Caca. L'amour. Pipi. Pipi. Passionnant, cette rubrique. Passionnant. Ouais. Non, c'est marrant. C'est marrant. Arrivé au pipi caca, on est vraiment au bout de la rubrique. Alors, si tu veux, David, j'ai un son pour toi. Non, il y a plusieurs études que j'ai croisées. C'est pour ça, en fait. Non, je le prends. Allez, c'est quoi ton son? Demande à Cube, il le fait bien. Bah, n'empêche que c'est le plus vieux son du monde, et je vous en prie. Ouais. Non, clair de la lune. Clair de la lune. C'est pas. Enregistrement. Feel the magic in the air. Alors, du coup, je suis bien content que tu parles pas dans le micro. Hitler en colère, chie des pommes de terre. Hitler aux Jeux Olympiques. Ludo, j'ai pas entendu, tu parlais pas dans le micro. C'est peut-être la première retranscription. Et on voit, et on va 2500 fois au WC par an. Oui, bah pour 2500 toi, ouais. Ah bah oui, Pas, ouais. Bah, tu vas. Ah, ça me paraît beaucoup quand même. Une à deux fois par jour. Ah, c'est des moyennes, hein, c'est des moyennes. Attends, 2500. Non, mais attends, 360, jour, tu vas combien de fois par jour? Une à deux fois. Faire le calcul. Ça fait 10 fois par jour. Un peu plus, peut-être 3. Ah, tu fais autant caca que moi? 3 fois. Ça fait 8 fois par jour, quoi. 2500, c'est une moyenne. Ça fait beaucoup trop. Ça doit faire 7 à 8 fois par jour. Ça fait au moins 2 fois trop. Ouais, c'est beaucoup, hein. Du sexe féminin. Oui, ça, c'est vrai. Ah oui, oui, c'est vrai que du coup. Du coup. On dit 2000, ça dépend de l'âge aussi. On dit 3500 fois du coup. C'est un multiple. Est-ce que tu as le nombre de fois que Azertov dit du coup dans sa vie? Oula, beaucoup trop. Astronomique. Oula. On passe 7 ans à attendre. Le bus. Que ta rubrique s'arrête. C'est long. C'est moins. Qu'est-ce qu'on peut attendre pendant 7 ans? Le temps. Que le temps passe. Mais moi pour un compte aussi. Il faut compléter. Ce n'est pas, ce n'est pas Godot non plus. 7 ans à attendre un truc. En attendant Godot. L'ascenseur. Non. Le, à attendre l'heure du réveil. C'est plus récursif, c'est tous les jours. Pas récursif. Attendre. Plutôt récurrent, non? C'est une action. Ouais, parce que la récursif, c'est qu'il s'appelle elle-même. À attendre devant le grille-pain. C'est sur la route? Non. À la machine à café. 7 ans devant le grille-pain, les gars. Attendre que l'ordinateur s'allume. Devant une casserole sur le feu. Alors que c'est la plaque d'à côté qui est allumée. C'est ça. Ah, on a le même problème, c'est ça. D'où les 7 ans. Et toi, c'est l'œil gauche. Ah, moi, c'est l'œil droit. Vas bouillir, oui. On sent le gaz. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Ah, ça, Hitler, il aimait ça. Ça, c'était la réplique préférée d'Hitler. Ouais. Ça sent le gaz. Ouais, non, on allez, enchaîne. C'est attendre le sommeil. Simplement. Ah d'accord, 7 ans. T'es en train de me dire qu'on perd 7 ans à pas dormir juste uniquement parce qu'on attend le sommeil. Oui, parce que t'attends de t'endormir. Depuis le temps que je t'attends. On compte pas l'heure. Dans cette chambre noire. Et d'ailleurs, on dort combien de temps dans sa vie? Pas assez. 3 heures sur Randall. Pas assez. Randall, c'est 3 heures par an. C'est un an de toute sa vie. Un an? Un an. Non, mais ça, c'est Randall. Ah, bon. Ah non, Randall, c'est beaucoup moins. C'est un bon gros tiers de ta vie. 7 heures, 15 jours. Il dort. Vraiment. C'est un bon gros tiers de ta vie, je crois. Ça te fait un peu de données. De toute façon, c'est pas dur, c'est presque un tiers de ta vie. Ouais. Je pense qu'il y a 33%. Là, c'était 25. 25%. À dormir? Enfin, 25 ans, il partait. Ah, 25 ans. Oui, bah, ouais, à oui. Ouais, 75 ans. Ouais, c'est à peu près 75 ans, ouais, c'est pas les déconnant. Femmes, les femmes bossent un peu moins, donc elles vivent plus longtemps. Oui, et puis, logique. Elles bossent moins bien, surtout. Bah, c'est pour ça qu'elles sont moins bien payées. Bah, oui. C'est tout à fait mérité. On est malade, pas de allez, dingue. Ça, c'est fait. Je pense qu'on est sur une bonne lancée, là. Ouais, je trouve. Malade. Qu'est-ce qu'il nous reste malade. À faire, Azertov, t'as rien. Malade. On a fait les juifs? Bah oui, t'as fait plein de blagues. On a fait les handicapés. Ouais, ouais mais légers, je pense qu'on peut refaire. Les handicapés légers, on est d'accord. Ah, les oui, handicapés lourds, on n'y est pas allé. Le viol, on l'a pas fait. Si, on a parlé des curés. Donc oui, ça c'est ça, ouais. Pédophilie, viol. Oh ça, c'est pas du viol, c'est une culture. C'est culturel. C'est culturel, on peut pas comprendre. C'est une tradition. On peut pas comprendre. C'est une tradition. C'est des coutumes d'un pays, quoi. Qu'est-ce que tu veux ça? C'est comme la tauromachie. C'est une tradition. Non, on peut pas comprendre. Il n'y a rien de méchant. Alors, on couche moins avec les taureaux. Ça, vous n'avez pas fait. La zoophilie, vous n'avez pas fait. Si, on a parlé de clop-clop tout à l'heure. Ouais, vite, vite, vite. On l'a pas fait ici. Par contre, on n'a rien contre. Hein. Enfin, je sais pas. Le chat est venu tout à l'heure. J'ai le garage à côté. Si ouais, carrément. C'est marrant comment on n'entend plus ton chien. Il est passé où, Jonjon, d'ailleurs? Il est quiet, attends. Il est collé au chien. Il a pas de micro, le pauvre. De l'eau froide, de l'eau froide. T'as appelé le chien, il est à côté de toi. Ah, Diego, viens là. Avec ta grande langue. Bien rappeuse. Tu vas la continuer. Et enchaîne. Bah, on est malade pendant combien de temps dans sa vie? Quoi? On est malade. On va dire 5 ans. Un an et demi. Non, pas tant. Tant, non. 6 mois. 3 ans. Ouais, je dis. Oui, voilà, ça dépend. Ça dépend, c'est sûr que si t'as un truc héréditaire. Ça dépend si t'es comme Michel Drucker, un petit peu hypochondriaque. Est-ce que tu comptes qu'à partir d'un certain âge, tu. Ça dépasse. Si t'as des béquilles ou pas. Bah, je sais pas, si à partir de 75 ans, t'as Alzheimer et que tu meurs à 90 ans, est-ce que tu comptes 15 ans de maladie? La mort dans la maladie. Ouais. Parce que généralement c'est fatal. Ça. Parce qu'il y en a qui sont malades depuis longtemps, du coup. Est-ce qu'on compte la maladie ils sont morts d'amour dès qu'ils sont nés, hein. On compte la maladie d'amour, dirait Michel. Non. D'ailleurs, elle court. Je dirais moins elle de moins combien de temps. Moins de combien de temps elle court. Faut voir les curés courir. Hein. Moins de 1 an, du coup, malade. Hein. Eh ben, c'est pas loin parce qu'en fait, c'est 1 an. Grosso modo. Je sais, c'est pas vraiment de l'amour. Mais enfin, c'est pas, en plus, c'est pas facile, faut lever la soutane et tout. Non, maintenant, ils font un trou devant, c'est plus rapide. C'est le gloriole chez les curés, t'as jamais vu le film. Si je mets la soutane, c'était pour courir, c'était pour les jambes. Pas pour la béquille. C'est fini, bah oui, tout simplement. On passe d'ailleurs, on passe combien de temps à rigoler dans la vie? Ah, trop. Là, c'est un jour par contre. Alors, c'est un jour. C'était quoi la réponse avant? C'était un an. Un an, être malade. Recommandé, c'est 15 minutes par jour. Masses, sauf tes hypochondriaques, c'est toute ta vie. 15 minutes par jour à être malade, rire. À rigoler. Et c'est 5 fruits et légumes aussi. Et, ouais. Oui. Et manger, bouger. Non, et allez. On est malade un an par an. Et on rigole 4 jours. Vie de merde. On s'éclate. Pendant Podred, à peu près. Normalement, si tu t'y prends bien, tu dois pouvoir rigoler quand t'es malade. Tu rigoles, cumules. Non, oui. Tu rigoles les 20 et 21 avril. Tu rigoles même le 19 et le 22. Alors après, si tu t'y prends bien, normalement, ça week-end de Pâques, en général. Voilà. Ça dépend si t'as des handicapés dans ta famille, parce qu'il y a moyen de s'amuser. Ah, je l'ai pas vu arriver, celle-là. Je l'ai pas vu arriver. Allez, Pépé, dans la descente. Ah, c'est vrai. Ah, on en a un bon, là. Allez, professeur Xavier, on va voir si t'as des capacités mentales. Ça, c'est le rhum. Hein. C'est le rhum. Ah, oui, c'est ça. 15 minutes par jour fois 365. Est-ce qu'on compte les handicapés qui rigolent bêtement, du coup, sans savoir pourquoi? Non, alors. Ni le bouc. On va dire 5 ans 6 ans. Non, j'ai dit un jour. Hein, donc non, c'est déjà un jour. Un jour, jour. Ouais. Oh, ouais, 65. 40 à rire dans sa vie. Oui. 200. C'est au moins 15 minutes par jour. Bah ouais, mais j'espère qu'on passe plus de temps dans notre vie à rigoler qu'à être malade. Bah on est malade de 1 an. Oui, oui, quand même. 200. On est malade 1 an. Ah oui, oui, oui. Donc si on rigole. Quinzaine d'années. Bah ouais. Et ouais, mais il dit ouais, en jour. Non, mais ce qu'il dit, Asto, c'est en vrai, jour. En jour. Tu es malade 1 an et tu rigoles moins que ce que t'es. Ah bah c'est triste quand même. Non, mais c'est bon, 3 ans, 900 jours. RT, si t'es triste. C'est en jour, on peut dire ce qu'on veut en fait. Bah oui, tu peux être 15 ans de jour. Et si on prenait de l'avance là? Et si on faisait que rigoler? Je trouve qu'on se débrouille pas. Jusque-là, on se débrouille pas mal, je trouve. Ouais, jusque-là, ça va. Personnellement. Ce que je plains, c'est ceux qui écoutent. Personnellement, moi, j'ai de l'avance. Si c'est une moyenne, il y en a qui tirent vraiment la gueule pendant toute leur vie. Et ben, c'est 115 jours. Ceux qui sont en phase d'écurer. Non, c'est pas possible. Et à noter que dans les années 50, on rigolait 3 fois plus. Ouais, mais non, mais c'est parce qu'il y a des mecs qui ont des vies de merde, c'est pas possible parce que nous quand même. Ouais, ouais, non, alors, peut-être que le niveau d'humour était vachement plus bas. Tu vas parler dans ton micro, bordel de merde. Je suis pas loin. Ah, dans les années 60, oui, mais on t'entend pas. Il y avait pas Anne Romanoff. Ni Arthur. Il y avait encore moins qu'Adèle Mallet. Voilà, on pouvait rire, il y avait des vrais auteurs. Aujourd'hui, bon. Et Bernard Mabille. Ah, oui, on pouvait lire. Par contre, il est pas mort encore. Mais il y avait Coluche et des proches. Ça, c'est très tocheux. On passe combien de mois à se plaindre? Alors lui, oh, c'est 12 mois par an à peu près. Oh. Attends une seconde, il va passer 2 minutes de plus à se plaindre. On passe combien de temps à se plaindre? Est-ce que la France a été séparée? Ça dépend du pays, ouais, parce qu'en France, ouais, je pense qu'on a le record. Hein. On est à l'heure, ouais, je pense ouais, mais on est très, très côté pour ça. Encore une fois, j'espère qu'on passe moins de temps à se plaindre qu'à rigoler. Non, non, en France, mais je pense que c'est le contraire, mais c'est triste. Oh, mais il y a moins de vannes drôles que de. C'est un jour râler. Quand même. Ouais, bah ouais. Oui, bah surtout maintenant. Sinon, t'es pas obligé de répondre, Valérie, t'as posé une question. C'est un jour. Ah pardon, j'ai pas entendu. C'est perché dans quel, son truc. Quelle est l'unité de temps qu'on doit trouver? Ah pardon, là c'était des mois. Des mois. Pardon, okay. J'étais. Des mois. Valérie, toi t'as les notes directes là. Ah oui, tu peux lire. Hein. Donc on est en mois à se plaindre. Elle est aveugle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On n'a pas fait les. Normalement, qui en a fait les handicapés? J'irais 6 mois à se 10. 10. Je dirais 10. Patate dans la bouche. 10 mois. Moi, Philippe Croison, j'y mets une patate dans le pot. T'as dit combien son... 10. Non, moins quand même. Touche à 10, 6. Moi, j'ai 10. Ah, un petit peu moins. Du coup. 5. 5. 5 mois à se plaindre. Ce qui équivaut à 8 minutes par jour. Dans sa vie. Mais je suis large. Moi, je faisais des podcasts où je me plaignais pendant 30 minutes. C'est pas énorme. Hein. Ils comptabilisent pas tout. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Puis en plus, non, ils payent pas l'essence et tout. Non. Même les pingouins. Il y en a qui n'ont pas le temps de se plaindre. Oui, mais il y en a qui ont beaucoup plus de raisons que nous de se plaindre aussi. C'est bizarre. Puis il y en a qui n'ont pas les moyens de se plaindre. Ça, c'est tant pis pour leur gueule. Ils avaient qu'à vivre ailleurs. Ils avaient qu'à être riches, bordel de merde. Les minorités aussi, ça s'est fait. Oh merde, rien les empêche de venir vivre à Paris. C'est le coup de chance de la naissance. De toute façon, tout se passe à Paris. Après, à quelle date ce sondage a-t-il été fait? Ouais. Celui-là, c'est ce que tu reprends mois de janvier. Si on commence à poser des questions intelligentes, moi je m'en vais. Ouais. C'était 2014. D'accord. Ah oui, bah, des choses ça ont changé évolué. Depuis. Les choses ont changé. Il y a eu Macron. Oui, président. Ouais, voilà. Les gilets jaunes, qu'est-ce qu'on fait? Gilets jaunes, et oh. Alors, ça ouais. C'est plus trivial, on va finir là-dessus. Ah. Combien d'heures d'affilée que connaissent les hommes en termes d'orgasme? Alors, ça dépend avec... En continu. D'heures d'orgasme. Alors, est-ce que tu peux expliciter des heures d'orgasme un homme. En continu, moi, je connais pas. Non, pas en continu, mais c'est ce qu'il a dit. Ah bah voilà. Non, sinon, ça va faire chuter la moyenne. Non, tu éjacules une fois, tu as un orgasme, par exemple, et puis tu cumules 6 ouais, heures, en fait. Tu cumules avec ou sans crochet? Suspension, tu veux dire? Celui-là. Les crochets. Explique un peu plus ta question. Mais c'est ça, en fait. Non, mais il me faut du détail. Si tu veux une réponse précise, il faut une question précise. Un peu comme les heures pour dormir, les gars. Je t'ai dit tout à l'heure, tu les. Conjugal, extra-conjugal, on compte tout. Oh, tu comptes tout, hein. Et puis à ça après, hein. Moi, c'est trois fois plus, hein. Orgasme, tu t'as dit orgasme. Oui. Tu as dit éjaculation. Ça dépend, parce que tu. Ça dépend. Ce n'est pas lié. C'est pas lié. Eh ben oui, ce n'est pas lié. Merci. Oui. Non, mais on s'en fout. Non, mais c'était juste Michel Simège. Parce que si c'était l'orgasme, il aurait peut-être mieux valu le calculer en litres. Et pourquoi pas en gallons, histoire d'en plus de faire la conversion. Mais oui. Parce que un gallon, c'est 3,78 litres. Ouais. Par an, c'est pas mal. Hein. C'est une bonne moyenne, déjà. Pas mal. Bonne et Jacques. À 10 euros le litre. Il y a de quoi se faire des couilles en or, c'est le cas de le dire. Hein. Tu peux comme ça féconder des épis de maïs. Et comme quoi, tout se recoupe. Ouais. Même les juifs. Y a pas... Non, là, c'est circoncis. Hein. C'est gras, dis donc. Tu fais qu'une fois. C'est chaud. Si c'est bien fait, ça se fait qu'une ça fois. Ça pousse pas, oui. Normalement, après, s'il faut s'y reprendre, c'est de la boucherie. Après, tu le fais après, en pirate. Après, ça devient cachère. Entre amis en pirate, c'est super bon. Avec une petite salade. Et quelques champignons. Ils sont inclus parfois. Font partie du pack. Ouais. Et ben c'est une petite chlamydia, franchement bien sale et donc, pas vrai ça. L'unité j'ai plus de rhum, c'est certain. Des heures. C'est en heure. On parle de quoi d'orgasme? En heure de. Ouais. Orgasme cumulé sur toute la vie. On parle en heure ou en mois? Ah, ben légèrement moins, tout simplement. 9. Voilà. 9 heures d'orgasme et chez la femme par contre 12. Ah, c'est peut-être. Ça, à mon avis, ça 24 minutes. qui a dit 24 minutes? C'est Ludo. Ludo. Tu t'approches finalement, non mais tu rigoles en plus. Avec ou sans simulation? Ouais. C'est du coup, je pense que c'est sans. Si les femmes étaient honnêtes, elles seraient autant que nous. Oui, sauf que nous, on joue utile. Oui, c'est vrai. À noter qu'en disant 24 minutes, tu t'es trompé que sur le paramètre heure. 24 minutes secondes. 24 heures? Non, mais j'ai dit moins que 2h24 minutes. 1h24 minutes. C'est ça. C'est déjà pas mal. Dans une connaissance vie, de la femme. Tu est... es en train de me dire sur que dans une vie, les femmes ne jouissent qu'1h24 minutes. Bah c'est beaucoup, je crois pas. Attends, il y a un mec qui a déjà trouvé comment ça marchait, bordel. Elles vont réclamer plus après. C'est tellement moins que les hommes, c'est triste. C'est ce qu'elles ont dit en répondant au sondage avec le mec à côté. Oui, mais si elles réclament plus, fatalement, va falloir que tu donnes. Qui c'est qui est gagnant? Elles ont dit ça au mec qui a fait le sondage parce qu'il était mignon. Elle voulait la pitoyer. Ah, d'accord. La salope. Et voilà, c'est fini. Oh merde, déjà. Oh, c'est dommage. Oh merde. Hey, on n'a pas vu le temps passer. Grâce au rhum. Ouais, il en reste. Je vois pas le rapport avec l'OTAN. Hein. Il y a avec l'OTAN. Oui, on est d'accord. C'est à vous. Bah, du coup, on passe aux questions aux invités. Ah. Du rhum. Squalala. Allez, viens. On va manger des chips. Bonne idée, ça. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. On va manger des pop-corn. Hein? Alors, donnez-moi des nombres entre 1 et 93. Sauf ceux qu'on a déjà dit. Les semaines... Les mois précédents. Les mois précédents. Je sais pas, j'étais pas là. Si quelqu'un a un 178. Nombre, 83. 83. Allez, Jean-Jo, c'est parti. Qui joue là ? Jean-Jean. Okay. Faut-il s'armer de patience pour tuer le temps ? Oh merde, on est encore dans la rubrique de Gandalf. Non, c'est ça, il nous faut un bon Gandalf pour tuer le temps. Bon petit Gandalf et c'est bon, ça passe. Avec Gandalf, ça passe mélange toujours. Mélange caramel et chocobon, c'est bizarre. Quand même. Suivant, est-ce que quelqu'un a un nombre à proposer ? La 17. J'ai fait. Ça a déjà été dit. La 18. Non, si oui. La 19. Ça a déjà... C'est si une t'as une voyage à si t'as une machine à voyager dans le temps, t'en ferais quoi ? Ouais, tu veux voyager dans le temps. Je crois que je voyagerais dans le temps. Les voyages, ça te rend malade. Non, c'est Gandalf que ça rend malade, les voyages. Si j'avais une machine à voyager dans le temps, qu'est-ce que j'en ferais ? Alors déjà, je voyagerais dans le temps. Pour aller où et pour en faire quoi ? Est-ce que je peux aller dans le futur ? Tu fais ce que tu veux. La question, c'est t'as une machine à voyager dans le temps ? Je veux aller dans le présent. Quoi ? T'as une tagine à voyager dans le temps. Je vais essayer d'orienter la question. Je ne suis pas dedans, hein, parce que sinon... Je vais essayer d'orienter la question. Tirer plutôt dans le futur ou dans le passé ? Ma curiosité m'emmènerait dans le passé. Mais le confort m'emmènerait dans le futur. Pas nécessairement. Mais je t'emmerde. Ça marche. Je fais comme je veux. La curieuse. Imagine, tu vas dans le passé et ouais. T'as une rage dedans. Ouais. Bah bon courage. Mais moi j'ai pas dit que j'irais dans le passé. Mais donc, ma curiosité m'amènerait dans le passé. Fous-lui la paix, c'est Satan. Moi je trouve ça. Ah, vous me faites chier, putain, mais prenez votre machine à voyager dans le temps, foutez-la vous là. Donc... Je trouve ça un peu contradictoire. La curiosité, moi, elle me pousserait plutôt dans le futur, en fait. Non, moi, personnellement, je suis pas pressé de voir ce qui va se passer. T'as tort. Dupond-Moretti, président 2022, c'est un truc qui se voit. C'est pas nécessairement question d'être pressé. Parce que parle dans le micro. Si tu vas 1000 ans en avance, de toute façon, tu le verras pas, toi. Oui. Donc c'est pas être pressé, là, c'est voir des trucs que tu n'as pas la possibilité. Et t'as pas à être curieux d'un truc que tu peux lire dans un bouquin. Ouais, mais j'ai pas envie de m'angoisser sur l'avenir de mes enfants. T'aurais tort. Tu peux être curieux de savoir si ce qu'on te raconte, c'est de la merde. Oui, le 11 septembre. On est revenu. Ensuite. Pyramide, tout ça. Pyramide, ouais. Pépita, Mironton, Barjabul. Pépita, Mikor, Larson. Suivant. Les dinosaures. Suivant. Chris Lafond. Neuf. Pyramide. Finistère. Mathilde va le temps de répondre à la question. Si on a combien de questions, d'accord, on se tait. Ah ouais, non, mais c'est clair, ça sert à rien de poser des questions. Comment Bob l'éponge y fait pour cuire des steaks sous l'eau ? C'est une question d'Oasis. Chiant, Oasis, putain. Je l'aime bien, mais qu'est-ce qu'il est chiant. Mais on l'aime bien, mais on le garde parce que c'est des steaks spéciaux. Oui, qui se cuisent à la vapeur. Voilà, à l'eau. À l'eau. C'est des steaks de. Mais oui, c'est vrai. Alors, il peut. Mais par contre, pour avoir vu mon coloc à l'époque où j'avais un coloc faire un steak haché au micro-ondes. C'est à toi qu'on a posé la question. Pas une bonne idée. Bon bah ta gueule. Non, parce que tu l'assèches. Non, ça fait une bouillie. C'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse un steak haché au micro-ondes. En général, c'est pas terrible. Ça vaut pas une cuisson. Allez, next. 9. 9, ça a déjà été fait, je crois. 9, 10. Non, 9, ça n'a pas été fait. Non, ça n'a pas été fait. Est-ce que Sucé s'est trompé? Ah oui, j'avais pas vu la bande dessinée. C'est pas la même. C'est la suite. Est-ce que elle est abonnée au suçage, quand même. Je pas dire, mais ça tombe bien. Il y a comme une récurrence dans le... Est-ce que tromper, c'est manger? Toi, t'as une putain de mémoire, parce que ça fait 2 mois. Oui. Oui, quoi, parce que là, il y a 2 questions qui sont parties en même oui, temps. Oui, mais ça dépend lequel tu suces. Alf. Finalement, on n'a rien précisé. Alors, si c'est un bonbon, non. Pas voilà. Forcément. Une sucette. Voilà, une petite sucette. Du coup, David? Pour sucette. Pas maintenant. Non. Non, un bonbon, une sucette, David. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, ça nous posait problème. De toute façon, c'est à peu près un problème de proportion. Hein. C'est tous les mêmes. Alf. Question de, je sais pas, 10. Allez, vas-y, soyons fous. Bon, ah, string ou shorty? Shorty. Bonne réponse. Mais merci. Merci. Oui, a priori, il y avait une mauvaise. Il y avait une mauvaise réponse, ouais. À qui le tour? Bah, Ludo. Ah oui. Quand il parlera dans le micro, parce que sinon, il va prendre un... Déjà fait. Oh, mais arrête de faire chier mon copain. Déjà fait. Déjà fait le 12, a priori. 13. Aimes-tu les films sur les gladiateurs? Est-ce que tu aimes les films d'horreur? Oui. Est-ce que tu aimes les films d'horreur, Ludo? Bien sûr. Les films sur les gladiateurs, les... Gladiateur 1, Gladiateur 2. Le retour du gladiateur. Le retour du gladiateur. Est-ce que tu as déjà visité... Est-ce que tu as... Visité des prisons turques. Tu as déjà visité une prison turque. Question pour les cinéphiles. T'as déjà vu des livres? Si tu aimes quand ton chien vient se frotter contre ta jambe, de haut en bas. On fait un deuxième tour. C'est horrible. Allez, c'est parti. Pour la proportionnelle. Tiens, la 11. On peut en faire 3 même, comme c'est la dernière. Alors, et si on faisait toutes les questions, comme ça, ouais. On se libère une bonne fois pour toutes. Oh, hein, moi, je dis, il y a concept. Alors, la 11. Nous, globalement, ouais, surtout que nous, on ne sait plus du tout ce qui a été tiré. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave, on vous le dit. Si nous, ça a été... nous, on sait. Lui, il a accroché au fur et à mesure. De toute façon, on va vous dire les questions dans l'ordre, ce sera peut-être plus simple. Alors, allez, au revoir. Question collégiale, du coup. Ouais, Tintin, Spirou, Mickey ou Pif? Attends, t'es où? Ah oui, Pif. T'es là. Pif, quoi. Ah ouais, Mickey. Tintin, Spirou, Mickey. Tu parles, Mickey, c'est un... Ah, les oreilles. Tintin, Spirou, Mickey ou pognon, Pif? Tintin, il est raciste, non? Pif, Pif, Pif, blablabla. Pif pour le club-club avec les poneys. Ouais, Pif, ouais. Pif et Hercule. Pif. Je pense qu'il est français. Non, puis c'est un bon communiste. Bien, espagnol. Ouais, précis. Je pense qu'il est espagnol. De France. Comme le gladiateur. Alors, le gladiateur slip ou caleçon? Bah non, on l'a déjà fait, celle-là. Non. C'est pareil. Slip ou caleçon? Caleçon. On ressemble à l'autre. Ouais, caleçon. Ça dépend pour dormir ou pour aller bosser? Slip ou caleçon? C'est pour nous ou pour les autres? Caleçon. Pour aller à l'école. Bah oui. Okay, c'est quoi? Non, on va pas faire une question. Caleçon. Ah bah si, ça y est, on est parti. Là. On a dit c'est la dernière. Ah ouais, l'autre il nous a fait chier avec 66 questions la dernière. Nous on les fait toutes là. Faut y aller. Ton meilleur film? Forrest Gump. C'est un choix. Il est sorti comme ça. Excellent. Ah, mais pas de réflexion, quoi. Direct. Moi ça fuse comme un ouais. P sur une toile cirée. Meilleur film, Forrest Gump. De tous les temps, quoi. Ever. Ouais. Les temps, la marocaine. Hein. C'est compliqué comme question. Ouais, meilleur film. Dead Man c'est Talking. Chaud, hein. 12 avant colère. Voilà des films à voir. Ouais, meilleur film, il faut déjà que je fasse du tri. Hein. Ouais, c'est ouais, bah ouais. Non, c'est compliqué quand même. Moi, c'est Amélie Poulain. Ouais. Bah oui. Ouais. À la 2. Non, je sais pas, c'est bon. Pépé, meilleur film? Ah non, moi je vous écoute pas là. Ton meilleur film? Oh, j'en sais rien. Le celui où t'as le mieux joué, toi, Vincent Lacoste. Jackie au Royaume des Femmes. Ouais, j'ai répondu. C'est chaud. Jonjon? Une liste tellement énorme. 2 secondes, j'en ai plein la bouche. Gandalf, sors de là. Lost in Translation. C'est-à-dire c'est le film en fait que si tu devais partir sur une île déserte et que tu avais le droit d'emporter qu'un film, c'est celui-là que tu prendrais. Voilà, c'est moi c'est Nuit et Brouillard. Oh. T'as pas posé la question. Faut pas se planter sur ce genre de questions. Quoi. Ah, putain, c'est clair. Tu dis pouic pouic, tu te retrouves avec. Ouais, c'est ça. Emmanuel, c'est bon, hein, tu vas Emmanuel, finir ta vie à branler. Les mémoires d'un photographe. Ah, bah, c'est trop tard. Ouais. Je t'emmerde. D'où viens-tu? Ah, bah, donc, une réponse. Bah, si, ah ouais, mais répondez. Nous, on répond Conjuring. Pas, quoi. Oh oui, Conjuring, excellent. On m'a filé un verre. Carrément. C'est mon film d'horreur. Je crois que c'est mon film le un d'horreur comme le préféré de ces dernières années. Ah oui, oui, oui. Le 1. Le 2 est pas mal aussi. Hein. Ah, je mais le un peu trop poussé. Le 3, pas très le 3 est à venir. C'est vrai. Non, mais sérieux, il est prévu. Je t'en remets une mouchette. Prévu. Le premier, c'était une claque dans la gueule. Le 2, je trouvais un peu trop tiré par. Ensuite, qui c'est qui a pas donné son film? Exorciste, oui, bien. Moi, ouais. C'est ce Spider-Man. Oh, ouais. Tout Spider-Verse. Ouais. Spider-Verse. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. C'est, bah, oui, c'est pour ça. Blague à part, il est excellent. Je vais partir sur les tendrons flingueurs. Ouais. Classique. Vas-y, pars. Ouais, ouais, efficace, mais. Non, mais efficace. Ouais, ouais. C'est Audiard. C'est ça, mmh. Dialogue. Ouais. Ah, bah, ouais, bien sûr. Innoventura. Non, c'est. Ouais. La soupe aux choux. Todriche, exactement. La soupe aux choux. Ah, oui, pas mal. Soupe aux choux. En plus, j'aime ouais, bien. Enfin, des ouais, mecs marrant, qui pètent pour faire venir un extraterrestre comme la 7e sur l'île déserte. C'est drôle. Je veux du halaï. La revue. Groupir. Restez groupir. T'as une bande originale qui est magnifique. Non, c'est vraiment une bonne chose. C'est tout bête. Mais pour un civil. Ça prend pas les gens pour des cons. Ouais, enfin, c'est bien imité quand même. Non, ça prend pas le public pour un con. Ah, voilà, ouais. C'est pas des blagues homophobes. Ouais, non, mais vas-y, tu peux. Ah, d'accord, donc d'où viens-tu? Albi. Non. Si, tu viens de son cul. Non. Sûr? Non, c'était pas toi? C'était pas moi, ça. Oui. Tu viens d'où? Alors, si vous parlez, c'est dans le micro, parce que sinon, je non, passe à la question d'après. Non, mais on réfléchit. Moi, je viens du Havre, je suis passé par Dunkerque et je suis à Bordeaux. On voilà. A le droit de réfléchir entre nous avant de donner une réponse. Ouais. Oui, parce mais pas dans le micro, alors. On a vraiment besoin de réfléchir. Très intelligemment. Moi, je suis Nalima, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai vécu 10 ans à Cannes, à Nantes, et maintenant, je suis paumée au fin fond des Deux-Sèvres. C'est elle qui gagne. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah, franchement, on a une winner. Ouais. Et on va faire la dernière question. Ah bah non. Déjà ? Bah si, vous mettez 3 ans pour répondre non, bah, chacun. On va aller plus vite. Allez, alors, vas-y. Rasage manuel ou électrique ? Électrique. Je me rase pas. C'est vrai que ça marche pas tellement. On répond tous en même temps. T'écoutes quoi en ce moment ? Du truc japonais. YouTube. Rien. Bah, toi ? As-tu des enfants ? Oui. Non. Oui, mais c'est pas les miens. Ton pire souvenir au cinéma ? Man of Steel. Man of Steel. Le film dont il ne faut pas prononcer le nom. Hein? John Wick 2. John Wick 2. On est sorti de la salle. Oh merde. Je vais répondre pour moi et pour Gandalf, Spring Breaker. Franchement, ce film qu'ils viennent citer là, c'est la pire merde qu'il m'est donné de voir. Enfin, Man of Steel à côté, c'est. Non, je cite pas le nom. Moi, je cite pas le nom. C'est une merde. J'ai jamais vu une salle autant rigoler. Ça a duré une heure et demie. J'ai vu des films. Les gens sont partis et à la fin, en fait, à la moitié du film, plus personne suivait. Tout le monde discutait dans la salle. Oh merde. Cyprien ou Norman? Cyprien. Ma bite. YouTube Money. Une chose que tu voudrais changer? Toi. Gandalf. Oui, Gandalf. Ça marche aussi. Ça, on l'a déjà fait. Si un mot est mal écrit dans le dictionnaire, comment on peut le savoir? On s'en branle. Et on compare avec un autre dictionnaire et on demande à l'Académie française. On demande à Azertov, en général. Oui. C'est que c'est bien écrit. Ouais. Pourquoi dyslexique est si difficile à écrire? Pour emmerder Randall Flagg. Pour faire chier Flagg. Non, ça c'est Oasis. C'est ah. Con. Quand tu éternues, tu mets la main devant la bouche ou non? Non, dans le non. Coude. Non, le coude. Ça dépend si le mec d'en face, je l'aime bien ou pas. Peut-on garder les... 3 ans, on peut pas le faire, ça. Tu fais, tiens, voilà du slime. Peut-on garder les yeux ouverts quand on éternue? Non. Non. Non. Si... Non. Oui. Si. Si une voiture va à la vitesse de la lumière, ah, c'est la question à Jonjon. Est-ce que c'est attends, est-ce que c'est phare éclair? Si une voiture va à la vitesse de la lumière, est-ce que c'est phare éclair? Ah oui. Chaud. Oui. C'est chaud. Oui, parce qu'ils sont statiques par rapport à la voiture. Ouais. Ils éclairent pas forcément grand chose, mais ils éclairent. Ils éclairent rien, voilà. C'est clair. Ils sont à une vitesse relative de zéro par rapport à la voiture. Surtout qu'en réalité, qui va les voir, quoi. Là, après, oui, c'est ça. Qui va sortir de la voiture pour regarder. Si rien n'attache au téflon, comment il colle au fond du poil? Alors ça, c'est de la sorcellerie. C'est les 4% de magie que c'est de la sorcellerie. Je valide la théorie. Il colle que d'un côté. Pourquoi les kamikazes japonais portaient-ils un casque? Parce qu'on dit kamikaze. Pourquoi les kamikazes portaient un casque? Au cas où. Je sais tout. Au cas où. Au cas où. Au cas où. Au cas où. Parce que peut-être qu'il n'était pas au départ, non, quand il partait. Il avait froid. Tout simplement. Juste froid aux oreilles, c'est tout. Quelle est la couleur d'un caméléon qui se regarde dans un miroir? Vert. Selon Randall ou selon les autres? Là, c'était une question de Randall. Ceux qui voient des couleurs ou lui? Pourquoi les établissements ouverts 24 heures sur 24 ont des serrures? Parce qu'ils ont le droit de partir en vacances. pas l'établissement, mais c'est bah oui, parce que l'établissement, c'est pas bien sûr. C'est pas parce qu'ils sont ouverts 24 heures sur 24 qu'ils sont ouverts 7 jours sur 7. Ah bravo. Ah oui, voilà. Effectivement. Anne Sinclair, si tu nous regardes. My drop. Quel est le synonyme du mot synonyme? Synonyme. Équivalent. Identique. Pourquoi Superman met son slip au-dessus de son pantalon? Parce que c'est une tarlouse. Il était mal réveillé. Pour faire le malin. Pourquoi dans Windows 95 on doit faire démarrer pour arrêter? Et pourquoi pas? Pourquoi on stérilise l'aiguille qui sert à l'injection fatale du condamné à mort? C'est pas vrai. Respect. Pour faire ça proprement. On respecte l'être humain. Parce qu'un médecin on sait jamais. Par réflexe de toute manière. Ouais, puis en plus, et tu ne vas pas lui injecter autre chose que le produit létal, tu n'injectes pas une bactérie. Parce qu'une seringue non stérilisée, ça n'existe peut-être pas sur le marché. Enfin, ou alors il faut chercher. D'accord avec ça. Oui, tu ne vas pas te filer les seringues entre deux condamnations à mort. C'est stérilisé en usine, ce truc. C'est ça. Thé ou café? Pas forcément. Café. J'aime pas l'eau chaude, café. Café. Un aveugle qui prédit l'avenir, est-ce un non-voyant? Bah oui. C'est l'oracle dans Matrix. Effectivement. Non, c'est Whoopi Goldberg. Ça reste un non-voyant. Comment le panneau interdit de marcher sur la pelouse a-t-il été mis? Ils étaient au bord de la pelouse. En volant. Il a été lancé depuis l'espace, à la verticale du point d'atterrissage. Moi, je pense qu'ils ont planté la pelouse autour. Ils ont d'abord mis le panneau. Ils ont mis le panneau, après ils ont fait la pelouse. Quelle est la réponse à la grande question sur la ville, l'univers et le reste? 42. Batman ou Superman? Ma bite. Batman. Quand tu vois un plan sur la rue, vous êtes ici. Comment ils le savent? Parce que t'es là. Ça marche. Alors ça, c'est pour Mathilde. Tu préfères avoir une jambe au mousse ou 25 canards qui te suivent tout le temps partout, même au cinéma? Une jambe au mousse. Je peux te garantir que quand elle va au cinéma, de toute façon, il y a un truc qui cloche. J'attire les emmerdes. J'attire les emmerdes. T'imagines faire la vaisselle avec ta jambe en mousse toute ta vie, c'est casse-couille quand même. Non, mais quand tu sors du bain, par exemple, tu passes plus loin. C'est pas grave, t'es sort. Tu peux sauver ta jambe. Alors, quand les fabricants d'affiches font grève, qu'y a-t-il marqué sur leur pancarte? En grève. À la bombe. Avec du coup, c'est marqué à la bombe. Cadmerade. Et Danny Boone. Si les icebergs étaient phosphorescents, est-ce que le Titanic aurait coulé? Oui. Bah oui. Oui. Mais éclairé. Ça l'aurait pas rendu plus solide. Quoi. Quand un Schtroumpf se cogne, a-t-il un bleu? Bah oui. Bah on a dit oui. Ou un violet, quoi. Non, c'est quand on étrangle tout à l'heure. Ah, bah ça doit faire la même chose. Hein. Non, un noir. Un japonais. Ils étaient noirs à la base. Est-ce que les ouvriers chez Lipton font des pauses café? Oui, je pense que l'odeur du thé. Moi, je pense que oui. Je suis intéressé par cette question. Est-ce que chez Lipton, il y a du café ou est-ce qu'on est obligé de boire du thé pendant une pause? Alors, je te laisse débattre, je vais aller aux toilettes. Est-ce que tu serais pas en train de foutre la merde dans toute une industrie là? Et qui c'est qui va poser les questions alors? Ah merde, il faut continuer, putain. Bah oui. Ah oui, ils se cassent comme ça quoi. Ouais, ils sont bien organisés. Ah ouais, non, mais ils sont en regret, le gars. C'est... Non mais ouais, allez, je me casse. Ouais, bah ok, attends. Non, on en était où, putain? Lipton. Lipton. Ouais, mais je sais pas où c'est. Bah, au ça doit être. Regarde dans les 60, 45. 43. Ah, alors thé ou café? Ça, on l'a fait, Paris, ça c'est France 2. France 2 le matin. Ça existe encore? Oui. Ok, pourquoi la, pourquoi la nourriture pour chat n'a pas le goût de souris? Bah, je sais pas, t'as goûté? Non, déjà, j'ai pas de chat. Oui, ça se trouve, c'est carrément la nourriture. Oh, ça a pas goût de chat! C'est criton et poulet. <en fait. rire> Les chats mangent pas des chats. Hein. Il a craqué. Si on retrouve toujours les boîtes noires, pourquoi on construit pas les agents dans le même métal? Parce que sinon, ils pèseraient trop lourd. Question débile. Hein. Pourquoi il y a des places handicapées en face des patinoires, hein? Pour Philippe Roison. Ah, parce qu'ils ont le droit de venir regarder. C'est ça, rigoler. Pour tout dépend de leur handicap. Pour rêver. Ils ont le droit de rêver quand c'est même. Les places ne sont pas fixées au sol. Tu as le droit de les pousser de temps en temps. Peut-être que même il y a des. Et tu peux jouer au curling avec même. Des fauteuils où tu peux caler des patins en fait. On fait un curling avec les handicapés. On les balance. Puis y a c'est marrant. On rate du balai devant. Carrément. Ça leur fait des petits courants d'air. Moi j'adore le curling. Ils sont contents, ça les sort. J'ai rien contre les handicapés. Non, moi non plus. J'adore le curling. On va pouvoir s'amuser avec les deux. Ouais. En plus, ils pèsent moins lourd qu'une pierre. À natation synchronisée, si une nageuse se noie, est-ce que les autres se noient aussi? Oh, je paye. Elles suivent le mouvement. C'est la meneuse, ouais. Ah ouais, je paye. La femelle alpha. De toute façon, c'est des sportifs, ils sont pas très malins. Faut-il serrer la main des gens qui n'ont pas de bras? Philippe Roison. Alors, a priori, ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de main. Oui. Et puis, pas de bras, pas de main, pas de chocolat. Voilà. C'est ça. Donc, pas de serrage. PC ou Mac? PC. Mac. Chocolatine ou chocolatine? Chocolatine. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Alors, à Dunkerque, c'est petit pain. Pain au chocolat. Pain au chocolat, chocolatine ou coque en chocolat? Il y en a qui. Il y a des hérétiques encore pire que ceux qui disent pain. Ouais, mais il y a des hérétiques et encore pire que ceux qui disent pain au chocolat. Quoi. Qui disent coq en chocolat? Ouais, coq en chocolat. Crois, ouais. Un animal, il. Ouais. Chocolat, ça rentre. Sac plastique ou poche? Poche. Ah, la poche. Poche ou quoi? Poche. Bah oui, mais là. Non, l'environnement va te faire foutre. Le coffre ou la malle? La malle. Choses différentes. Pour la... Ah, non, la malle, oui. Dans la voiture. La voiture, pour la voiture. Et oui, on peut dire la malle. Pour la voiture. On dit coffre. Ah, bah, coffre. Non, c'est pas la malle, on dit la malle arrière. Ouais. La malle arrière. La malle arrière, ouais. Avec si ou sans vaccin en Afrique. Avec ou sans capot. C'est plus drôle. La malle arrière avec ou sans capot. Pourquoi le mot court est plus long que le melon? Parce que melon et melèche. Ah non, ça, c'est des trucs à rêver. Attends, pourquoi quoi? Pourquoi le mot court est plus long que le mot long? Si, il y a le T à la fin. Et bim, mot court et mot long. Le mot court est plus long que le mot long. Oui. Pourquoi le mot court est plus long que le mot long? Plus de lettres. Non, plus long que le mot long. Parce qu'il y a plus de lettres. Voilà. Amiga ou Atari? Ou Atari ST en plus. Atari ST. Amiga 500 ou Amiga 500 plus? On va prendre la version plus du coup. Non, bah, à ce moment-là, je préfère Amiga 500 plus. Nintendo ou Sega? Nintendo. Nintendo. Bah, le match est déjà fait. Hein. Il y en a qui est mort. Hein. Le match est fini depuis longtemps. Il y a quand même le film Sonic. Oh ouais. Friends ou The Big Bang Theory? Oh, Big Bang. Ah non, en fait. Big Bang Theory. Aucun des deux. Ça tourne n'importe quoi. T'es plutôt film, série ou dessin animé? Série. Dessin animé. Ouais, ça dépend. Aujourd'hui, l'écriture est meilleure dans les séries. Oula, j'avais jamais vu cette question. Lannister, Stark ou Targaryen? Qui c'est? Lannister. Frost Walker. C'est Game of Thrones. François Berléand. Game of Thrones. C'est Jean Neige. C'est une série que j'ai jamais regardée. Avec Jean Neige. Avec Juan Nieve. Avec Juan Nieve. Ouais, ouais. Moi, je me suis arrêté très vite. C'est de la merde. Je dis pas ça, j'ai pas vu. Non, c'est de la merde. YouTube ou Dailymotion? YouTube. Pornhub. Vimeo. Dailymotion, c'est une pauvre. T'as grillé la prochaine question, c'est quoi? Dailymotion, c'est quand même français. Alors, mais YouTube, mais Dailymotion pour Karim Debbache. Quoi? Sur Dailymotion? Bah, Karim Debbache, c'est écrit sur Dailymotion. Chroma, c'est sur Dailymotion. Hein. Par choix ou par. Non, il a toujours été sur Dailymotion. Il sponsor Dailymotion. Ouais. payé par Bolloré. Oui, il a toujours été sur Dailymotion. Donc, Toucheux a spoilé la prochaine question. YouPorn ou Pornhub? C'est la même chose, en fait. Moi, je suis... Oui, mais plus Pornhub. Oui. Et il y a même un YouPorn.sexy qui est pas mal. La navigation est beaucoup plus sympathique. Il y a quoi? Oui, oui, c'est beaucoup plus fluide sur Pornhub. Ah ouais. Ouais, il y a beaucoup plus de fluide. Le choix entre le HD et le ça charge plus vite, oui, ça voilà. Décharge plus vite. Il ouais, y a plus de fluide. Alors, en termes de décharge, il faut voir avec Gandalf. Podcast ou YouTube? Il n'y a pas, photo. Podcast. Quoi le premier? Podcast. Il y a des gens qui disent podcast. Ouais. En général, on les tue à Podren, c'est les offrandes aux dieux. Podcast ou YouTube? C'est alors la prochaine question, il peut y avoir quand même un peu de débat. Saga MP3 ou web série sans images? Ah là on fait moins les malins. Création audio. Ouais, saga MP3, c'est une création audio. Ouais. En général, c'est pas terrible. Ça a été tourné pour Bonjour Richoult. Bonjour Richoult, François gratuit. TJP, c'est Walter. C'est tellement gratuit, je le pense. DC ou Marvel? Marvel. DC pour Spider-Man. Aucun des deux. Allez, on leur met une couche pour les fans. Quels sont les objets que les trois objets que tu emportes avec toi sur une île déserte? Un yacht. T'en verras pas. Et c'est tout. Et de l'essence. Un yacht. T'en verras quoi. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Tu vas emmener quoi? La Bible et un silex? Qu'est-ce que tu veux me dire? Un yacht, un jerrycan d'essence et une ville parce que tu me fais chier. Je crois qu'on a atteint le point de non-péremptoire. Le sniper. Du coup, t'as même pas besoin d'avoir trois objets. Quoi. Le yacht, c'est suffisant. Tu reviens quand tu veux. Ça, c'est comme le RIC. Une fois que t'as ça, t'as tout. Quoi. Si t'as ton yacht sur une île déserte, t'es tranquille. Les ombres négatives sont-ils dépressifs? Les nombres négatifs. Les nombres négatifs sont-ils dépressifs? Oui. Ça fait déprimer Mathilde, en tout cas. Donc... Pépé en une seule phrase, il a niqué le game. Ah, il est parfait. Ah ouais, il a le sniper, quoi. Ça fait une demi-heure qu'on s'échine, l'autre en une seule phrase. Je fais, mais qu'est-ce que tu nous casses les couilles? Un yacht, voilà. Non, non, négatif, c'est tout. Pourquoi les biscuits durs ramollissent et les biscuits mous durcissent? Un yacht. Ça marche pas à tous les coups. C'est bien tenté, mais non. Pourquoi les Jedi n'utilisent pas la force pour appuyer sur le bouton du sabre laser de leur ennemi pour l'éteindre? C'est vrai. Merde, putain, j'y avais jamais pensé à celle-là. Parce que sinon, il n'y aurait pas de film. Il me semble que l'ennemi maîtrise la force aussi. Je pense que les Sith ont aussi le même pouvoir. Donc en fait, ça fait... Donc en fait, ils protègent leur bouton. C'est une version pour les épileptiques. Ils sont concentrés pour pas que le mec appuie sur le bouton. Mais du coup, est-ce que les Sith ne pourraient pas utiliser leur électricité pour... faire un court-circuit dans le sabre laser et faire qu'il s'allume plus du non, tout. Tu fais chier, George Lucas et Disney, là. Arrête avec tes questions. Qui a voté la loi des séries? ABC. Matt Groening. Bah, Murphy. Oh, pour oui. Pareil, Murphy. Ah, j'ai pas vu arriver celle-là. Ça marche avec Murphy. Alors, Robocop. Là, c'est une longue phrase. Selon la convention 14 de l'ONU, si un avion s'écrase sur la frontière entre l'Allemagne et la Finlande, dans quel pays enterre-t-on les survivants? Il n'y a pas de frontière entre l'Allemagne et la Finlande. La Finlande n'existe pas. Non, mais on va pas. Non, mais c'est pas ça du tout, même. On va éviter d'enterrer les survivants. Oui, c'est vrai. Surtout. 95. Moi, je me suis arrêté à la Grèce. Magneto peut-il faire bouger le marteau de Thor? Il paraît que oui. Ouais, apparemment, oui. Peut-être back, oui, peut-être back, non. J'ai lu que oui. Il faut le marteau de Thor est censé obéir qu'à Thor. Il faut être digne. Comment? Il faut être digne pour soulever le marteau de Thor. Magneto, c'est pas. Il doit pouvoir le faire bouger, mais pas le soulever. Captain America avait réussi un tout petit peu. Captain America, oui. Oui, mais dans le film, il tremble un tout petit peu. Il doit pouvoir le faire bouger. Par contre, Vision, il peut le soulever, il me semble. Vision, il peut, oui. Vision, oui. De quoi, Ludo? Vision est digne, donc apparemment. Alors ouais, mais c'est pas une question de digne, c'est je sais plus, c'est lui le maître des comics. Il est très très fort, alors je sais pas. Oh, Hulk, Hulk Jedi, quoi. Même Hulk arrive à le soulever, même s'il est pas digne. Mais non, mais Hulk c'est un connard, donc évidemment qu'il peut pas le soulever. Ah si, il arrive. Hein. Et voilà, on a fait le tour des questions. Pour lui, il est très lourd. Pour lui, bonjour les préjugés. T'as vu tout ça parce qu'il est vert. Ah ouais, non, mais c'était mauvaise idée. C'est moche, franchement. C'est un connard, il est vert. Comme le géant. On l'a jamais fait. Le géant vert. Mais c'est un géant vert. On va en revenir au maïs et les fœtus et tout le bordel. Franchement, on tourne en rond, les gars. Moi, je vous le dis. Non, mais pour revenir à la question, donc Magneto, non, pas du tout. Il n'est jamais digne de. En plus, il s'appelle Serge. Je me suis retenu de la faire. Tu sais, je dirais que c'est la blague favorite de Gandalf. Ça m'étonne justement. Magneto, Serge. C'est une de mes phrases favorites avec. Comment ça s'appelait, merde. Ah, la chasse, le magazine de la merde. Il y en a un qui n'est pas bien traumatisé. Traumatisé. Allez, pendant qu'ils se disputent les chocobons, on va passer au quiz de Azertov. Ouais. Tu fermes ta gueule et tu manges. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Faites une forme de saucisson qui coupe au milieu. Voilà, et puis faites pareil des saucissons comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant. Alors c'est simple, mon quiz s'appelle « La télé du samedi soir ». Ouais, c'est un quiz. Hein. C'est un quiz sur la télé du samedi soir. Ouais. Et ça va être un quiz en deux temps. Deux temps, trois mouvements. Deux temps, trois mouvements. Je vais vous passer un générique de série. Oh. On lève la main ou on gueule? Vous levez la main, ce sera plus simple. Moi, je vous préfère gueuler. On va tout. allez. Et vous devez trouver donc le générique et la série correspondante. Okay. Et si elle a été diffusée dans la trilogie du samedi soir. Ok, simple. Basique. Ça va. La nouvelle trilogie. Le nom du groupe qui a fait la musique. Parle dans le micro parce que je t'entends pas. Et les 6 acteurs principaux. Il y en a combien de questions tout seul là? Les producteurs et leur mère. T'as fait une la série avec 70 questions. Enfin, 5x6. Comment? 5x6. Attends, faut qu'on trouve quoi? 62. Je vais passer une musique. Oui. Un générique de série. Faut retrouver la série en question et si c'était dans la trilogie du samedi soir. D'accord, ok. Donc l'ancienne, pas celle qui est le mardi maintenant. Oui. Pas celle qui est fausse. Sur M6. Sur M6, exactement. On part du principe. Pas la toute pourrie avec le truc de sirène. Mais maintenant, la trilogie du samedi, c'est le mardi sur Sister. C'est ça. La trilogie, c'était culte. Un truc simple. Vas-y. Buffy. Faut lever la main. Mais voilà. Oui, Buffy, bah oui. Buffy. On peut refaire un retour sur le dernier CVT où on a dit comment s'appelaient les personnages dans le film Buffy. Il y a eu un film. Il y a eu un film avant la série. Il y a eu un film. C'est de parler d'un micro. Luc Perry qui est décédé jouait dedans. Il faisait le rôle de Pike en VO, Marcel en VF. Oui. Et c'était pas Buffy, c'était Bichette. Bichette contre les vampires. Bichette, la terreur des vampires. Non. Mais c'était bien Whedon qui était scénariste et il a pas aimé le film et du coup après il a développé la série. Mais Bichette, terreur des vampires. Pas de Il faut arrêter les traductions. Ouais, il faut arrêter. Attention. Marcel, on va l'appeler. David, FX Effets Spéciaux diffusé. C'était bien ça. Ouais. FX Effets Spéciaux. Non, FX Effets Spéciaux. C'était pas super bien. Il y a eu des films avant. C'était pas dans la trilogie. Si, c'était bon. Si. Mais moi j'ai vu quand c'était sur TF1. Oui, rediffusé après. Sur M6. Ah ouais, c'était passé. Je les ai connus principalement sur M6. We all use math every day. Every day. Numbers. Ouais. Et oui, ça a été diffusé. Quel? Numbers. Numbers. C'était le pourri. Oui. Tout pourri là. Non, mais non, fallait réfléchir. C'est tellement mauvais. Réfléchir. Non, les ficelles étaient grosses, mais le principe était pas mal. On a un nombre, c'est bon, on a le méchant. C'était le mec surdoué en maths qui aidait des agents du FBI. Un peu comme Scorpion, mais c'est nul. Mathilde, elle a jamais rien compris à cette série. Non, fallait compter. Si ça peut la rassurer, moi j'ai jamais rien compris non plus. Oh, c'est David. Arabesque, mais pas diffusé. Ouais. C'est Murder in Cabot Cove. Ouais. C'est trop bien. Ah, c'était excellent. Sorcière bien aimée ou pas diffusé? Vas-y, on reparle. Parce que pas diffusé à la trilogie, mais ma sorcière bien aimée. Ouais. Il y a eu un film, je sais pas ce qu'il vaut. Ah oui, oui. Et Tabata Cash. Tabata et Jean-Pierre. Ah bah oui. Et le disque, et de savoir si c'est dans la trilogie. Je vais comprendre. On va la refaire du coup. Ouais. Alors on recommence. Le début. Buffy. Bichette. Bichette contre les Terreur vampires. Terreur des vampires. Ah merde. Numbers. jingle. Non, bah non. C'est pas Hercule. Ah si, je l'ai. Vas-y. Les 4400. 4400. Et oui, c'était diffusé. J'avais pas eu de vie, quoi. Et non, c'était pas diffusé. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était... Ah non, ouais, c'était peut-être le mardi. C'était le mardi. Ouais, mais c'était pas dans les. Mais c'était sur M6. C'était après sur M6. Dans la monologie du mardi, quoi. Ouais. C'était quoi ce truc? Ça la biologie du merdologie du mardi. C'était. Même. T'avais des. En gros, t'as 4000 personnes qui reviennent sur Terre avec des pouvoirs. Ouais. Et on wow. sait pas. Elles avaient disparu et elles ont pas vieilli. Ça a été diffusé sur Canal Plus en premier, ça? Peut-être. Non, il y avait un truc assez proche, ouais. T'as une série comme ça, Manifeste, qui est sortie. Non, c'est The Revenant. Revenant, ouais. Il y a eu d'autres séries. Un truc comme dans mes, je sais pas. De toute façon, c'est de la merde et de la merde. The Left of Us, ouais, c'est très proche. Ouais. Le concept est sympa, mais il n'y a pas d'explication, jamais. Mm. C'est chiant. Ah oui, bah oui, bien sûr. Alias ouais. Ah non, c'est vrai. Si, c'est ça, Alias. Ça y était, non? Ça, oui, trilogie, complètement. Ça, trilogie. Jennifer Garner. Où chaque épisode se terminait sur un cliffhanger et bah en fait t'avais rien derrière. Ouais, il n'y avait pas de fil rouge. C'était lâché sur la fin aussi. Allez, un difficile, je pense. Pépé. Ça ressemble à. Attends, je l'ai fait. Ça fait série très médicale, je trouve. Non. Ah, moins. Je suis sûr que je la connais. C'est pas Dark Angel ? C'est. C'est Dark Angel, non? Non. Ah, c'est pas Roswell? Non. Ah non, putain, c'était Roswell. Roswell. Putain, Roswell. Putain. Alors, de mémoire, c'est une série qui a pas eu beaucoup de saisons. Qui était à Cliffhanger ou à... Ah, je sais, bah, c'est John Doe. John Doe. Et ah, John Doe, oui. C'était. Alors, je sais pas si c'était diffusé, mais c'était King. Super bien. Ça s'est arrêté à cause de Prison Break, du coup. C'était un... C'est avec... À cause je sais pas où. Parce qu'il y a pas eu de... Purcell, c'est quand même phénoménal le nombre de merdes qui sont passées. Ah non, c'était une bonne série. C'était une bonne série. Parle-en à Flag. Flag, il a des goûts de merde, je sais, mais c'est une bonne série. Non, mais ça vaut rien, John Doe. D'où un mec sort de nulle part avec une connaissance universelle. Mais justement, c'était ça le. Il n'y a aucun but là-dedans, il n'y a aucune thématique. Série de l'époque. Ah, c'est pas grave. Elle n'existe plus. Il y a un film. Non. Après, il y avait Dead Zone aussi. Ah bah là, peut-être. Oui. Par contre, oui. Allez, vas-y, balance. Alors là, faut parler un petit peu parce que il y a du blanc et je l'ai pas coupé. J'ai fait exprès. Ah bravo. Bah oui, c'est un petit peu. On peut pas les blancs. Non, c'est pas cool. Prison Break. Ah bah tu vois. C'était le vendredi, non? C'est diffusé dans la trilogie. Oui. Alors peut-être plus tard. Peut-être après. Mais les saisons un peu, ouais. Un peu après. C'était en semaine quand c'est sorti. Clairement, c'était pas dans la trilogie. On va décoller. La philo, c'est mon Philippe. C'est comme si on pas du tout. À s'envoler. Une autre course. À bout de souffle. Les talons noirs. Les talons noirs, exactement. De course hippique. Les talons. Dans les animaux. Attention là, ça, je pense que ça va être rapide. Ça c'est pour David. Pour David. Évidemment pas dans la trilogie, c'était sur France 2. France Télévisions, ouais. Toujours. Ça fait les 15 saisons il y a quelques années. Dans toutes les cultures tribales, chaque village. Le sentinelle. Cette sentinelle était choisie en. Et donc Trilogie. Sur les trilogies que j'ai connues. Vivement le triolisme. Le triolisme du samedi. C'est possible, non? C'est pas. Hein? Alors, parle dans le micro parce que. Kim Possible? Pas du tout. C'est pas des séries. C'est pas KXY? Non. Ah, c'est peut-être X, la malédiction? Non. Ah, putain. Et je l'ai pas mis. Alors, parle dans le micro. C'est avec une héroïne? Oui. Ah, c'est... C'était Dark Missing, portée disparue. Ah oui, portée disparue. Ouais. La cuisine des mousquetaires. Une série qui a laissé beaucoup de souvenirs. Ouais. Bah, portée disparue. Hein. Magnifique. Bah, Roswell. Ouais. Ouais, Roswell, la série. Ah, mais ils vont refaire un remake d'ailleurs. Ah ouais, ouais, ça bientôt, ça va arriver. C'était de la merde. David Boreanaz. Peut-être. Spielberg. On a jamais laissé un gros souvenir. On produit jamais des bonnes séries. Bah, en règle générale, M6, franchement. À part te servir de la soupe. Oui, voilà, on parle d'X-Files une fois, ah, et ouais. Après, on met quoi autour? Bah, le caméléon, c'était déjà pas mal. Ouais. Sliders. Code Quantum. Le clown. Sliders. K2000, ils ont diffusé les chapeaux melons et bottes de cuir. De tout ce qui est proposé, parce que depuis le début, on parle d'M6, là. Alerte oui, Cobra. Enfin, pour la trilogie du samedi, mais après, dans les autres, il y a de tout. Et puis, c'est pas de la production M6. Non, non, non, mais c'est juste un diffuseur. Ils avaient fin pour trouver les séries qui marchaient. Ils en ont trouvé 3-4. Stargate. Je veux bien pousser à 5 dans le bénéfice du doute. Ça a duré un peu trop longtemps. Et voilà, tu peux. Sidney Fox, l'aventurière. Ouais. Ouais. Ouais. Tu lui enlèves ses nichons, il y a quoi? Il n'y a plus de série. Ah bah, alors à ce moment-là, tu veux prendre de Charmed aussi, parce qu'elles ont toujours les tétons qui pointent. Elles n'ont pas de soutien-gorge. Elles n'ont jamais de soutien-gorge dans Charmed. Si, tu avais beaucoup de second degré. Surtout des effets spéciaux. Mortal Kombat. Extrême limite. Mais c'était pas TF1 ça, de ça. Donc c'est pas dans la trilogie, non. Exactement. Ouais, donc c'est de la merde aussi. Oui. Okay. La peste. Pique Scheiss. Alf. Salut, c'est Alf. Alors on a une photo à vous montrer, les Talfo. Willy. Mais peut-être pas aujourd'hui. Oui, après. Après peu de rennes. Ou après l'enregistrement. Zéna la guerrière. Zéna la guerrière. Ah, et ça c'était sur TF1 avec Hercule. Et il y avait des effets spéciaux. Il n'y a pas de quoi être fier. Mais j'ai vu une vidéo où justement t'as Xena qui fait un saut de branche et des loopings à volonté, puis elle atterrit sur un bateau. Puis t'as le mec qui fait waouh. Ouais. C'était vachement bien. Tout sans câble. Ouais. Il existe des êtres doués d'une intelligence supranormale, des génies qui possèdent entre autres la faculté d'as. Dans Jarod. Les téléfilms sont à chier. Il y a eu des films ? Ah oui, il y en a eu trois. Il y a eu des films pour essayer de terminer la série. Il en manque un, justement, je crois. Ouais, ils n'ont pas pu. Le deuxième était tellement pourri que. C'était tellement bien, c'est dommage. Là, c'était un petit peu difficile, je pense. Ah, ça, c'est 8 ans X. Mutant X. Pépé. C'était oui la trilogie, c'est de la merde. Oui. Mais bon. Ça c'était de la merde, je veux bien vous l'accorder. Ça me dit quelque chose en plus. C'était en gros c'était les X-Men. Les X-Men mais en version hard discount quoi. C'est ça. La version Leader Price. À chaque épisode les X-Men de chez Lidl. Chaque épisode le méchant arrivait à s'enfuir parce qu'un camion reculait dans la rue. Chaque fois. Systématiquement. Mais tu vois, je connais même pas. On l'a encore loupé. Ça, les méchants. Le camion. Alors que dans Roswell, à la fin, il y avait toujours ce plan, tu avais la caméra qui s'envole dans le ciel, là, avec les mecs qui ratent le ciel comme ça, là. Tu sais, comme ça, là. Et puis t'avais du Didi. Les séries comme ça. Ah, bah. Stargate. SG1. Oui, ouais. Pour être précis. Ouais. Parce qu'il y a eu plusieurs séries. Il y a eu Atlantis et après, il y a eu Universe qui a duré qu'une saison. Non, il y a eu deux. Il y a eu deux saisons. Ouais. Mais SG1 était meilleur que le film. Ah, le Roland Emmerich, c'est pas mal. Bon après il manque d'idées. C'est pas mal. Redis-le sans trembler des genoux. Ouais, il y a des idées dedans. Après c'est vrai que c'est pas mal, ça va pas ensemble. Hein. Donc du coup trilogie ou pas trilogie? Oui. Oui. Trilogie. Je suis Duncan MacLeod, né il y a 400 ans dans les Hautes Terres. Comment c'est? Je suis Michel de Bourgogne. Ah oui, I am Michel de Bourgogne. Trilogie ou pas alors? Non. Non. Ça passait le samedi après-midi. Puis après, ça même à l'époque, ça valait pas un prime. Et juste avant, il y avait les talons d'or, justement, quand ça passait. Oui, c'est vrai. Il y a Michel de Bourgogne. Ah, c'est un poil long. C'est un truc avec des mutants. C'est un truc avec du mutagène. Super Story, là. American Horror Story, exactement. Trilogie ou pas trilogie? Non. Non, c'est jamais pas. Non. Trop tôt. Enfin, c'est trop proche. Trop tôt. Oui. Tout le monde disait qu'une femme médecin. Docteur Quinn, femme médecin. Queen. Et pas Docteur Gwyn. Alors que Docteur Quinn, ça aurait. Non, ça c'était plutôt le matin avant le. Non, la c'était. Maison. Non, entre midi et deux. Non, c'était justement. Juste après... avant. Juste avant, avant la petite maison dans la prairie. Maison dans la prairie. Alors, selon notre c'était âge, c'était soit en alternance avec la petite maison dans la prairie, soit après ou avant. D'ailleurs, ça se situe dans le même univers. Ah ouais? Ah ouais? Non, non. C'est dans le même état. Oui, la campagne. C'est dans le ça côté. Pourrait. C'est campagne. Non, non, franchement, je sais pas. Comme Mutant X. Charmed. Charmed. Ouais. Charmed. Ouais, ouais, ouais. J'ai de la peine pour ce coup. Et ça, c'est la trilogie. Wow. Ouais, c'est bien pour lui. Ça, c'est complètement. C'est Rémi Gérard. Je sais pas ce que vaut le remake. Il voulait en faire un. Non, non, il est sorti. Il est sorti. Ah, mais il est sorti le remake. Ah, mais c'est avec elle, mais adolescente. Non, c'est pas. Oui, oui. Ouais. Oui, Smallville. Voilà. Smallville. Smallville, ouais, ouais. Je suis confondu. Non, non, mais c'est évident. Hein, oui. Avec quel acteur il s'en va, il meurt. Le spin-off de Jack. Pas la trilogie charmant. NCIS. Michael Weatherly, il est parti en plus maintenant. Il fait Bull. Maintenant, il fait Bull, ouais. C'est pas Bull, j'ai bien aimé Bull. Alors, je t'entends pas, Tocho. Je disais, c'est peut-être un des rares trucs que je mettrais dans le filet de X-Files et de. NCIS. Et Hawaii 5-0, bien sûr. Les 5 premières saisons, mais au bout d'un moment. Le dé- oui, ouais, au début, c'était cool, la force. Ah, on a ah tu t'en vas, Bébé quand ils ont commencé à décliner en Las Vegas, en machin, en module. Ça, c'est de la Los Angeles. Ouais, parce qu'ils ont fait sortir le créateur de la. NCIS Point Tapit. NCIS Point Tapit. Ah ouais, les 2-3 premières saisons, c'était intéressant. Oui, mais ils ont jarté le showrunner, ils ont jarté Belisario, qui est quand même le créateur de Code Quantum. Ils l'ont jarté. À New Orleans, y a, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a Scott Bakula. Bakula. Scott Bakula. Oui, voilà, c'est ça qui était cool avec New Orleans. Scott Bakula. Voilà. Mais sinon, les épisodes sont tellement classiques que ça sert à. Enfin, c'est pas intéressant. Oh, bravo. C'est pas, même pour lui, c'est pas intéressant. On a reçu le doubleur de Sam dans CVT. Pardon dans le micro, David. On a reçu le doubleur de Sam, Guy Chapelier. J'avais les larmes aux yeux, quoi. Ouais, c'est clair. Putain, c'est tellement. Voilà. J'étais un gosse. C'est lui qui a trouvé le haut bravo. Ah ouais, ouais. Il était pas dans la version originale. Non, je sais plus ce qu'ils avaient prévu en VF. Oh boy. Il a dit oh, ça sonne pas bien. Oh bravo, ça sonne mieux. Puis ils l'ont gardé. Oh bravo. Rémi Zéro. Petite ville. Tout le monde. C'est une trilogie, je crois pas. C'est une trilogie. On n'a jamais vu la fin dans la trilogie. Je non, c'était après Charmed quand même. Enfin, Charmed, c'était oui. quand même oui. bien, bien oui, avant. T'avais un lot de trois merdes, donc oui, ça, tu y avais droit. Un chapelet de merde. Ça a duré. Ça a duré trop longtemps pour ce que c'était. Je n'ai pas aimé M6. Ah oui, non, mais clairement. Ça valait pas Loïc et Clark. Le seul mérite d'M6, c'est d'avoir sorti. Sûrement. X-Files. C'est clair que ça se prenait pas au sérieux. Ah non, clairement. Pour moi, après, ça n'engage pas. T'as quand même un épisode de Loïc et Clark qui s'appelle Superman. Si vous êtes d'accord avec moi, donnez dans le Tipeee. T'as un épisode de Loïc et Clark qui s'appelle Superman avec deux N, c'est l'épisode où les nazis reviennent. Parce qu'aujourd'hui, ça passerait pas. Superman, ça passe pas. Pour faire un peu. Bon, du coup, je fais le prochain. Hein. Allez, vas-y. Loïc et Clark. C'était bien. On se l'est rematé. Mais c'était pas trilogie, ça. Et n'empêche qu'elle était quand même plutôt bonne, Terry Hatcher. Hein. La série était vachement bien. Non, non, Terry Hatcher était bonne. La série, c'était de la merde. Ah non, elle était bien. Elle se prenait pas au sérieux, je te jure. Lex Luthor était. C'est l'époque Lex Luthor était chauve. C'est l'époque de The Flash. Non, il était pas chauve, justement. L'époque de la série Flash. Oui. Voilà, ça se prenait pas au sérieux, c'était cool. Ah oui, Flash était. Ah bah, il manquerait et plus que ça. Le fameux Lex Luthor, mais il a fini dans Mutant X. C'était lui qui gérait l'équipe. Oui, ouais, Michael Shee. Michael Shee, l'acteur. Allez, avant-dernière. C'est lui. Ah bah non, bah c'est Angel. Angel, non. Angel. Je préfère celui-là à celui de Buffy quand même. Ouais. Ah ouais. Ah si, si, si. Je préfère celui-là à celui de Buffy, clairement. Mais en meilleure qualité, peut-être. Oui. Ouais. Sonorité différente. Nerfighter est beaucoup plus punchy et celui d'Angel est beaucoup. Je crois que c'est un groupe italien qui a fait ça. Qui a fait Angel. Ouais, il me semble. Je sais pas. Los Patos. Moi, c'est deux génériques totalement différents dans le style, mais c'est deux. Par contre, la série Angel a moins marqué. Ben Angel, je crois que ça a été usé par justement l'effet Buffy. Les gens se sont lassés. Oui, mais regarde, NCIS, c'est un spin-off. NCIS, c'est un spin-off de Jag. De Jag, oui. Oui, mais ah bah tiens, Jag, c'était sur France 2. Ouais. Franchement, ça c'était. Moi j'ai bien aimé Jag. Ouais. C'était génial ça. Ouais. Et du coup, la dernière. Abby. Docteur Who. Le monde de foot de Tex Avery. On va vous faire l'hélicoptère. On vous branche la caméra de suite. Ne quittez pas. T'aurais pu le faire en même temps. Voilà, donc c'était mon petit quiz rapidos. Vas-y, balance. Et c'était très bien. Ah non, mais j'ai pas préparé. T'as une playlist YouTube. Chapeau mono et bite. T'as pas un truc à nous mémer là, vite fait. Ça existe. Je te jure que ça existe. Chapeau mollo et bite de cuir existent. Profite-en, tu n'auras pas l'occasion tous les jours. Tu peux me-mémer à volonté. Mais non, je sais pas dessus. Rustin Power en sexe, alors c'est déjà du sexe, quoi. Bah, ils ont bien fait les Simpsons. Hein. Je veux dire, ils ont bien fait Bienvenue chez les Ch'tis de Cochon. Ah oui. Mais sinon, dans la trilogie, il y avait Profilers. Il y avait eu un profile, non, un crossover avec Camélion, il me semble. Ouais. Je suis déçu de pas avoir entendu deux épisodes. Le clown. Il y avait, non, bien sûr. Alors je me suis bien sûr appuyé sur la page Wikipédia de la trilogie du samedi. C'était bien. Et il y avait Dead Zone, effectivement, il y en avait plein. Il y a vu le film. Le film avant, il était pas top. C'était pas Cronenberg d'ailleurs. Si, c'est Cronenberg. Était pas, ouais, pas très réussi. Donc voilà, donc il y avait plein de séries dans la trilogie qui étaient assez cool. Dans l'ensemble, il y avait quand même des petites perles, même s'il y avait beaucoup de merde. Voilà, on fait un consensus, il y avait beaucoup de merde et quelques perles. C'est ça. Il y a quand même quand même zéro. Quand t'as envie d'aller faire du caca, tu l'achètes des perles, des fois. Mais c'est plutôt récent, ça, pour le coup. Oui, mais c'était le groupe M6. Enfin, c'est eux qui l'ont diffusé. Oui. Honnêtement, je crois que j'ai dû regarder un ou deux. Ça se regarde bien. Il y avait pas le coréen qui jouait dans Lost. Si. Hein, Daniel Dekim. Ouais. Mais il est parti après. J'aime bien les vieilles séries qui diffusaient. Ouais. Justement, Le Prisonnier ou je sais pas quoi. Moi, je suis plus là-dessus. Le Prisonnier. Prisonnier, c'était génial. Enfin. Il y a un moment avec Béa, on s'est pris d'une nostalgie phénoménale. On s'est fait les visiteurs. Les visiteuses. Oh non, V, non, c'était. Ça m'a fait flipper quand j'étais gamin. Ah ouais? Il y a eu un remake d'ailleurs de V. Il y avait oui. Michael Ironside aussi. Franchement. Le côté de fer? Ouais. Non, merde, comment ça s'appelle Mon père, il se retapait les têtes brûlées, il n'y a pas longtemps. Ah oui, mais les têtes brûlées, Papy Boynton, ça repasse sur Paris 1ère. Ouais, enfin, c'est vieille série. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais si vous avez franchement 7 ou 8 heures à tuer, mais payez-vous les têtes brûlées. Ouais, franchement, ça vaut le coup. Chapeau Melon, comment il s'appelait aussi, le duo, là, Amicalement Vôtre. Oui, Amicalement Vôtre. Brad Sinclair. La VF apporte tellement. Mmh. Mais en fait, dans Amicalement Vôtre, ça a eu un gros succès en France, ouais. Justement dû à la VF, alors que pas aux États-Unis, mais en Angleterre, ça marchait pas. Oui, et le sing, les deux acteurs ne s'aimaient pas. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Dans ouais. La VF, tu peux pas t'en passer. Mais tu le vois. La VF de Columbo, tu pourrais pas t'en passer non plus. Il incarne le personnage doublement. Quoi. Mmh. Ouais, le problème, c'est est-ce qu'en écoutant la VO en premier et après la VF, tu penches d'un côté nostalgie. Est-ce que ça te conditionne? Moi, je sais qu'aujourd'hui, je préfère écouter. Je préfère écouter une VO et éventuellement aller écouter une VF si vraiment ça m'a plu. Moi, ça dépend. Il y a des VF qui me gênent pas. Par contre, à partir du moment où ils te disent ouais, on a mis tel joueur de foot, genre Spider-Man, je fais non, je le regarderai pas. Juste par principe, ce n'est pas un acteur. Non, mais ça, je peux comprendre. Je n'ai pas besoin d'avoir un nom connu sur une affiche pour les voir. Et c'est pour ça que moi, je préfère peut-être une VO. Une bonne VF comme Le Seigneur des Anneaux, c'est un régal. Ah oui, vous avez entendu la voix originale, la vraie voix de Bruce Willis? Non, je n'ai pas souvenir. Elle est dégueulasse. Je l'ai peut-être regardé. Oui, c'est vrai. Alors que Patrick Poivet. Eh bien, merci bien pour ce. On va rappeler les Gaules. Pour ce petit quiz. Quoi, déjà, on a tout fini? Je crois qu'on a tout fini. Allez, épisode 4. Ah bah ouais, 4 hein. On n'a pas fini le bien. Et quelle heure? 3h15. On va faire un épisode 4 en off, peut-être. Ouais, on... Chiche. Oui, chiche, on en fait un. Y'a pas de soucis. La gaffe, 92. Mais du allez, coup... on va faire un savatron. Mais si, on danse. Et du coup, Vincent, on va faire un petit remerciement à tout le monde, puisque c'est quand même la fin de session d'enregistrement. On va pouvoir s'applaudir. Fin de session 16. Bravo, ouais. Bon, on peut s'applaudir. ça n'a pas saturé, c'est ça qui est. Ouais. Ah, si, ça sature un peu là-bas. Non, ça n'a pas saturé. Ça, c'est courage à Zert. C'est plutôt pas mal. Il y a Randall qui dit pour chacune de mes questions, vous me devez 1 euro. Bon, on verra ça avec le Tipeee. Bah, fera... ouais, je Tipeee. Reverse tous les fonds à l'association Randall. C'est-à-dire 1 euro. Et c'est de bon cœur. Donc, on va commencer par remercier Ludo et Valérie du podcast Talfo d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Bien dit. T'as le facho. Mais ce fut un plaisir. Tout le plaisir est partagé. Ça, voilà, c'est, ça fait plaisir. C'est pas. Il y a des fois où on se demande pourquoi on fait du podcast. Et ben, quand on vous reçoit et quand on reçoit tous les gens autour de la table, on sait pourquoi on le fait. C'est pour surtout après leur prestation qu'ils ont fait à Podren, c'était un truc de fou. Mais oui. Ah, c'était génial. Les stripteaseuses, un truc de malade. Les pistolets habillés. Les hologrammes, les mecs. Le viol en direct. Il est là, le viol de Podren. Le prédis. Le poney. Moi, je m'y attendais pas. La reconstitution de martyr, franchement, c'était génial. Ah ben, c'est sur les films d'horreur, il fallait faire peur au public, donc ils l'ont fait. Ils étaient attendus au tournant, l'interview ils l'ont de Kev fait. Adams. Ah, c'était enfin des gens qui assument. Maintenant vous êtes obligés. Kev Adams, ça va être possible aussi. Qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes, le viol en direct ou Kev Adams? Les deux. Le viol de Kev Adams en direct. Le viol de Kev Adams en direct. Ça peut être marrant. Ça va attirer des gens. Hein. Ouais, je pense que M6 peut être preneur. La vie selon Kev Adams. Ivre, virgule. Il finit Kev Adams. À la main. Non. On n'avait dit pas à la main. Pas à la dent. On va également remercier David, Mathilde et Jean-Jean d'être venus autour de la table avec nous également. Merci toujours à Pépé et Tocheux, mais surtout à Tocheux de nous avoir accueillis pour cette session d'enregistrement. Moi, c'est toujours un plaisir. Et Béa également. Merci Béa. Merci qu'on Béa. Pas entendu, mais qui a nourri tout le monde tout le week-end. Et on se retrouvera donc le mois prochain. Non, mais on va dire aussi merci à Asto, à Zertov et Gandalf d'être venus quand même. Ouais, mais pour nous, c'est... Ben non, c'est Gandalf quand même. Gandalf aussi. Vraiment? Et après la page Tipeee, t'es sûr? Non, en fait, on va dire. Non, ouais, non, on va juste dire merci à Zertov et Asto. Ah, merci. Et c'est discount pour le matos. Ouais, c'est discount, oui, voilà. Pour une partie du matos. Très sincèrement, moi, c'est juste remercier tout le monde, et tous Renault ceux qui sont venus de loin, de moins loin, de plus loin, de très très loin, de pas loin du tout, on s'en branle. On se demandait, on parlait tout à l'heure avec Ludo dehors, on se demandait pourquoi on faisait du podcast. Une énième fois. Pour des moments comme ça. Exactement, n'oubliez pas mon Tipeee. Hein, parce que clairement, je me le suis approprié. Ah, ça fait 3 mois qu'il est vivant, j'ai 14 000 euros. Il m'en manque encore 6 000 pour partir aux Bahamas. Il faut que dans 3 mois, il y ait 14 000 euros sur le Tipeee. Il va falloir bourrer les dents, les gars. Ah, mais moi, je bourre tout ce qui passe. Il n'y a pas de souci. Je suis un dindon. Voilà. Non, très sincèrement, il faut remercier les gens qui prennent le temps de faire ce qu'ils aiment sans compter. Voilà. C'est pour ça qu'on fait du podcast. C'est pour passer des moments tous ensemble. Et c'est pour ça qu'on fait Podren. C'est pour ça qu'on se retrouve tous ensemble tous les week-ends à chaque fois qu'un épisode sort. C'est uniquement pour partager des bons moments tous ensemble. Écoutez-vous, comprenez-vous. Hein, ce sera pas mal. Non, mais attends, j'attends Cubertoy. Moi, tant que Cubertoy m'a pas dit ta gueule, c'est trop long, trop d'explications, trop de détails. Va bien te faire enculer. Voilà, merci Cubertoy. On va voir les Grecs. Sur Mumble si tu veux. Oui, mais il n'y a pas de souci. Non, sincèrement, continuez, restez comme vous êtes. Voilà, et du coup, on va pouvoir se quitter en musique après un petit jingle. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu: descends du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons. Et donc, inspiré par Monsieur Péremptoire, qui, lors de la dernière session d'enregistrement, nous avait proposé le magnifique morceau Murder on the Dance Floor de Sophie Elix Bextor. Oui. Mais je me suis dit, pourquoi pas Mbop des Hanson. Mbop. C'est parti.